Ladies and gentlemen, si vous trouvez que la semaine est longue, vous trouverez le samedi soir très court. 1, 2, 1, 2, 3, let's go. De 20h à 22h, c'est Jadoul. Bonsoir à tous, bienvenue, vous êtes dans Jadoul, je vous souhaite une très belle soirée, nous sommes en direct ici sur Ilar FM, je vous souhaite la bienvenue. Alors aujourd'hui on a une énorme émission, franchement si vous venez d'une autre radio, vous êtes totalement chanceux et vous êtes gagnant surtout. Car on a une équipe qui est là pour m'accompagner et pour vous accompagner durant ce week-end du 22 septembre déjà. Ah oui, ouais, on est déjà au 22 déjà. Septembre. Ouais. Ah oui, ça passe, vite quand même. Ah ça je m'y attendais pas. Ouais. Nous avons Emilien avec nous. Salut, ça va bien? Ça va et toi? Je suis content de t'avoir. Ah, ça fait plaisir, merci. Alors c'est un petit peu la nouvelle recrue de cette saison, j'ai eu le nez fin parce que là on a quelque chose. Ah, c'est comme un diamant, on commence à le tailler, il va donner quelque chose de bien, vous inquiétez ça pas. Ça fait plaisir. Ben de rien, il n'y a pas de souci. Alors je vous explique, on raconte les coulisses. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors Emilien est arrivé il y a absolument, il y a exactement 3 secondes. Ouais. Il a couru dans le studio et hop, on a pris l'antenne. Voilà, ouais, ça s'est passé comme ça. C'était vraiment ça. C'était très très chaud. Alors, on va avoir notamment dans cette émission la question de la semaine, le jeu des 5 mots. On va fêter la fête des gens qui ont leur nom célébré aujourd'hui. Et on va avoir également des news de la semaine. J'en ai, je suppose que t'en as aussi. J'en ai aussi, bien sûr. Alors là, je vous le dis, si on est deux à avoir fait les news de la semaine, croyez-moi, ça va piquer. Ouais. On aura des choses, ça va être sympathique. Et puis surtout, on commence l'émission pour une fois sans problème technique. Et à l'heure. Tout se passe bien. On est à l'heure. Ouais. On a les micros qui fonctionnent, le contenu qui est prêt, les musiques, oh, les jingles. C'est parfait, c'est beau. On se demande ce qui va nous tomber dessus. Ouais. Allez, bah c'est pas grave. Il y a juste l'éclairage hein, qui est en train de s'amuser. Parce que voilà, ils sont dans un nouveau studio. Tant qu'on y est, on va mettre du budget, on va mettre des LED. Sauf que c'est un peu le Macumba ici, ça. Ouais. On a de l'ambiance. Enfin, ouais. En tout cas, voilà. Si ça peut nous aider à passer une belle soirée, c'est toujours sympa. T'as passé une belle semaine, Emilien? Oh, très très bien. Assez posé. Même très, si très je suis assez fatigué quand même. D'accord. Et toi? Moi, ça a été. Ouais. Je veux dire que le week-end passé a été très très compliqué. Mais la semaine m'a permis de tourner un peu la page et essayer d'avancer quand même. Et ça puis, va, est surtout là pour vous faire sourire. On va vous donner de la bonne humeur et on va vous faire sourire. Comme disait le tout premier slogan de cette émission. Allez, si tu veux bien, on va partir déjà en musique. Vas-y. Voilà, comme ça, dès le début, on se met de la musique et après tout va bien. Ouais. Bon, voilà. Alors là, en fait, voilà, le problème technique. Le premier de la soirée devait arriver. Vient d'arriver maintenant. Oui. Parfait. Il fallait évidemment qu'on ait un problème, c'est que la musique ne veut pas venir. Ah oui, non. Je comprends pourquoi la musique ne veut pas venir. En fait, le premier titre qui devait être lancé selon la prog, c'était Sexto de Julia. Sauf que si on se rappelle bien, la semaine passée, j'ai banni cette musique de l'antenne. Ah oui, oui, c'est pour ça. Ouais. La musique que je détestais parce que je la trouvais dégueulasse. Bah, c'est pas grave. On passe à la suivante, c'est Bazzi Beautiful tout de suite sur Ilar FM. Je vous souhaite une belle soirée. 20h03. 20h, 22h, j'espère que vous passez une belle soirée. Vous êtes en direct sur Ilar FM. Jadoula. Oui, il faut bien se faire un kiff de temps en temps. Moi, c'était mon plaisir de ce soir, c'était de me faire ce son. J'ai pas le droit? Si, bien sûr que si. Fais-toi merci. Plaisir. C'est gentil. On est là pour ça. Alors, on va se faire plaisir surtout maintenant avec les news de la semaine. Les news d'Emilia qui nous prépare et qui nous déniche. Je sais pas où tu vas les trouver, mais elles sont généralement sympas. Donc, Je te la fais deviner ou je te la dis direct? Ah, bah, on va peut-être mettre un jingle. Ouais, ok, vas-y. Ça te va? Ça me va. Allez, c'est parti, le jingle des news de la semaine sur Ilar FM en direct. Jadoul. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Bah vas-y, c'est parti, fais-moi deviner. Que s'est-il passé dans un match de foot au Brésil? Dans un match de foot au Brésil? Ouais. Un débordement? Non. Un supporter a fait quelque chose de mal? Non. Quelque chose qui s'est passé durant le match? Durant le match, ouais. À 10 minutes de la fin. Un problème? C'était un problème, mais ce qui s'est... on va dire... Allez, un problème, ouais. Un problème qui vient des joueurs ou de quelque chose d'extérieur? Quelque chose de l'extérieur. Un supporter qui a fait éruption sur le terrain? Non. Non, un phénomène météorologique? Non. Mais alors c'est dingue, qu'est-ce que ça peut être? Je te le dis? Oui, vas-y. Bah, c'est pas un supporter, mais c'est une ambulance ouais. qui est venue sous le terrain car... sous le terrain. Ouais, sur le terrain. Ah, parce sur. J'ai entendu ouais. sous le terrain. Ah non, sur le terrain. Parce que samedi dernier, il y a eu au Brésil un match de foot et le joueur Bruno Silva, je sais pas c'est qui. Ouais, d'accord. Et a perdu connaissance parce qu'il s'est cogné la tête. Et donc l'ambulance est venue le chercher. Et contre quoi il s'est cogné la tête? Un autre joueur. Ah oui, d'accord. Son coéquipier en plus. Ah oui. Ouais. Et donc l'ambulance est venue le chercher, est tombée en panne en plein milieu du terrain. Et donc c'est donc tous les joueurs sont venus et ont poussé l'ambulance tous ensemble jusqu'à au joueur qui était blessé quoi. Bah ça fait un bon échauffement ça. Ouais. À 10 minutes de la fin, ça fait un bon échauffement. Donc il y avait l'ambulance en panne et tous les joueurs à 10 minutes de la fin qui poussaient l'ambulance. Ah ouais, c'est ouais. sympa ça. Ouais. Ah, si vous avez encore des anecdotes comme ça qui vous est arrivées ou si vous avez tout simplement envie de réagir à cette actu, bah tout simplement le numéro de téléphone de la radio, le plus 32 49 9 15 75. Et là Emilia cherche dans les feuilles. Je vais le rechercher, attends. Alors où est-ce que j'ai été le noter? Ça c'est une bonne question. Parce qu'il faut savoir que les chroniqueurs, les membres de l'équipe, entre eux, ils se refilent le calepin d'émission. Donc deux saisons qu'on fait cette émission là, c'est toujours le même carnet. Donc il est bientôt, on arrive pas, on est à la moitié là, je veux dire, du carnet. On est à la moitié. Ouais, ouais, j'ai trouvé le numéro. C'est bon. Au deux tiers, parce que je vois qu'il y a quand même ouais. Allez, on va dire deux tiers. On va dire deux tiers. Je pense qu'il y a toute l'histoire de l'émission qui est notée dedans. Ouais. Alors c'est surtout comme c'est des notes, si on les relit, on ne comprend pas. Ah, non, on tombe sur le mot poule. Voilà. Je vois. Le mot poule, je comprends pas pourquoi. En fait, c'est des jeux des cinq mots, des bouts, des machins, des notes. Donc on peut pas comprendre comme ça, mais voilà, c'est le carnet de l'émission. Et je pense qu'un jour on l'affichera dans un musée. Ouais, on fera ça, on fera ça. Alors on va se faire le zap de Jadoul dans quelques instants. C'est une toute nouvelle séquence qu'on a créée rien que pour vous. Oui, alors il faut savoir qu'on était en brainstorm cet après-midi à la prod. Et alors à peine j'ai dit le nom de la séquence, ils ont fait un visuel pour les réseaux sociaux. Ça a été publié et j'étais là. Ah oui, ok, quand même, okay, ça a été. Ça va vite. On a même pas le temps de dire oui. Bah alors faites une com, un truc. Tout est diffusé. Il y a pas de souci. Bah au moins vous êtes au courant qu'il y a les apps de Jadoul. Ils ont même fait un logo pour l'occasion. Donc comme ça c'est magnifique. Quel honneur. Donc, quel honneur, oui. Et quelle odeur surtout, car ça sent très mauvais dans cette séquence pour toutes les personnes qu'on a réussi à mettre dedans. Il faut savoir qu'on a pris la télévision, tous les pires moments de la radio, on a tout réuni en une seule séquence. Ça va être du très lourd. Ouf. Oui. Je m'attends au pire quand même. Alors toi tu as fait quoi de ta journée? Aujourd'hui, bah j'ai été voir un match de hockey sur gazon. De hockey sur gazon. Ouais, c'est alors pas le commun. Hockey on est bien d'accord, c'est ce qui se joue sur glace normalement. Ouais, mais là c'est sur gazon. Et comment ça peut coulisser sur le sol C'est juste la balle qui est différente, mais c'est les mêmes règles, mais sauf que c'est sur gazon. Ah oui. Ouais, d'accord. J'avais jamais vu ça, c'est pas commun, mais c'était intéressant. Ah oui, non, c'est pas commun, ça. Non, je te c'est le pas confirme. Commun. Et donc, hors antenne, hein, tu m'as dit que tu avais à un moment perdu ta chaussette et que tu étais à la recherche de ta chaussette. J'ai pas compris. Donc, la vérité, c'est pourquoi je suis arrivé en retard, c'est que j'ai perdu mes chaussettes à la maison et donc je les ai cherchées pendant je sais pas combien de temps. Et donc, je suis arrivé ici à 59 en courant et. Dès que je me suis assis, bah ça s'est lancé quoi. D'accord. Ouais. Donc en gros, il faut savoir que la personne était en train de chercher tranquillement après ses chaussettes. Ouais. Le temps tournait, mais c'est pas grave. L'émission est à 20h, il est parti de chez lui à quelle heure? Il était 40, mais moi j'habite pas très près d'ici quoi. Il y a un peu de route. Et donc le motif, quand il arrive ici au studio à une minute de l'émission. Ouais, excuse-moi, hein, c'est les chaussettes, je les trouvais pas. C'est compliqué, c'est délicat. Les problèmes de la vie, hein. Tout à fait. Mais un problème de la vie, tu veux que je t'en raconte un? Vas-y. C'est que moi, je dois faire des déplacements jusqu'à Bruxelles, au moins une fois par semaine. Oh. Et alors, du coup, oui, c'est un peu, ouais, c'est un long. Peu long. Ouais. Mais alors, je me dis, je vais prendre un abonnement, mais plutôt un abonnement. De train? Oui, un abonnement pour le train. Voilà. Et alors, le type m'a dit, voilà, comme l'abonnement, il est valable 49 jours, à quelle date je vous le mets? À quelle date c'est la prochaine fois que vous allez prendre le train? Okay. Alors, moi, j'ai tapé au hasard, j'ai dit. Cette date là ouais. Sauf qu'au final j'ai tapé la date une semaine plus tard, mais finalement le lendemain j'ai dû aller à Bruxelles. Donc du coup mon truc était pas valide. Donc j'ai dû racheter un billet. J'étais vraiment la chèvre sur le coup, c'était une horreur. Donc voilà, t'as dû te sentir très très con là, je pense. Ah oui, bah ça m'arrive souvent, tu sais. Ouais. C'est un petit peu pour ça qu'on fait cette émission, pour avoir l'occasion de vous raconter toutes nos anecdotes improbables. Mais je suis sûr que ça vous arrive aussi. Faites pas semblant, faites pas genre. Plus 32 49 9 15 75, vous pouvez nous contacter pour nous dire un petit peu ce qui vous arrive dans la vie. Et surtout, il y a aussi les réseaux sociaux, la page Facebook Jadoul, le Twitter, l'Instagram et le Snapchat Thomas Jadoul, tout attaché, tout en minuscule, tout en un seul mot. C'est tout bien, ouais, tout simplement. Parfait, c'est parfait. Allez, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'écouter Jadoul. Nous sommes en direct et nous sommes partis jusqu'à 22h. Tous les samedis, de 20h à 22h, c'est Jadoul. et on se joue tous les meilleurs hits du moment en direct durant la soirée. On se tient aussi au courant de l'actualité musicale. Il faut, oui, tout à fait. Qu'est-ce que t'écoutes en ce moment d'ailleurs? Mais moi, j'écoute des vieilles musiques. Ah oui, c'est vrai, on est pareil là-dessus, j'avais oublié. Mais alors là, c'est une espèce de groupe qui s'inspire du disco, c'est Panic at the Disco. Avec... Je vous souhaite une belle soirée. 2017, non, 20h17, pardon, nous sommes en direct. En direct, je vous souhaite la bienvenue et une petite question pour notre chroniqueur ici, Emilien, autour de la table. Quelle est votre activité professionnelle actuelle? Le Pôle emploi. Ah voilà, c'est super, merci beaucoup. Non, ici tu te plais bien? Oh, j'adore. Bah tant mieux. Voilà, comme ça je te fais partager moi ce qui me rend heureux tout simplement. Ouais. Et voilà, je suis content que de te faire partager ça te plaise. En tout cas, merci d'être avec nous. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez, si vous appelez sur LRFM, vous avez fait le bon choix, restez jusqu'à 22h avec nous car on a tellement de séquences à vous proposer, notamment je vais faire un petit tour de toutes les journées mondiales qu'on fête aujourd'hui. Il faut savoir. Alors, est-ce que tu sais quelle journée mondiale on est aujourd'hui? Alors là, c'est vraiment... Alors, est-ce que tu sais déjà qu'on est la journée mondiale de « on parle dans le micro » ? Ah oui, autant pour moi. Non, la journée mondiale aujourd'hui, tu sais c'est quoi ? Je sais vraiment pas du tout. Alors, c'est la journée mondiale de la sensibilisation à la leucémie myéloïde leucidienne. À tes souhaits. Voilà. Ouais. J'ai rien compris. Alors. Alors, du coup, c'est une journée un petit peu délicate. Alors, on a fouillé un peu sur le web. On a aussi trouvé que c'était pas ultra drôle. Donc, on en a trouvé une plus drôle. Aujourd'hui, ce 22 septembre 2018, c'est également la journée mondiale du rhinocéros. Ah, ça, c'est autre chose. On sait pas à quoi ça sert. Et genre, chaque journée, c'est un animal? Non, mais chaque journée, il y a une journée mondiale de quelque chose. Comme par exemple, là, cette semaine, demain, par contre, on aura la journée mondiale des sourds. Ah bon, bah ça sert à rien de leur souhaiter vu qu'on fait de la radio. Donc... Ouais, j'avoue. Ça sert un peu à rien de nous. Et ils sont tellement doués qu'ils ont fait la journée internationale de la langue des signes le même jour, demain. C'est quoi la différence entre international et mondial? Ouais. Je sais pas. Ah, okay. Ils m'ont marqué ça sur l'affiche, je lis ce qui est marqué. Ça va. Et il y aura également la journée demain de la bisexualité et la journée nationale du refus de l'échec scolaire. Car il faut savoir que 150 000 élèves quittent le système scolaire en France chaque année sans diplôme. Wow. C'est énorme, c'est quand même. C'est énorme, je m'attendais pas à ce chiffre-là. Donc voilà, c'est ça s'empire avec les années, je pense. Oui. Ouais. Mais je comprends pas pourquoi ils font une journée mondiale de ça. Ouais, ça se fait. C'est pas. Genre, ils sont 150 000. Bon, on fera mieux l'an prochain. Ça doit être ça. Je comprends pas. Oh là là, j'adore. Enfin non, j'adore pas. Bon courage à tous ceux qui ont du mal avec le système scolaire. En tout cas, voilà, bonne continuation à vous. Et n'oubliez pas, si vous voulez faire plaisir à votre grand-père, sachez, ou votre grand-mère, sachez que ce mercredi, c'est la journée mondiale des grands-parents. Ah bah, je vais leur souhaiter. Voilà, comme ça, pensez-y si vous en avez encore. Et si vous en avez plus, bah, n'en prenez pas dans la rue en pensant que c'est les vôtres. En tout cas, faites quelque chose de sympa par rapport à ça. Est-ce qu'on peut retourner dans les news de la semaine, Emilien? Ouais, je te refais une, sans problème. Tu vois, là, vas-y. J'ai l'impression qu'on est dans une friterie ici. Ouais, je t'en refais une, allez, vas-y, tourne. La petite sœur, hein, s'il te plaît. Non, mais voilà. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu dis, Nicolas? Très jolie aussi la musique de fond derrière, hein. C'est pas mal. Merci, c'est gentil. Non, on embrasse Nicolas, voilà, je sais pas s'il nous écoute, mais petite dédicace à toi, voilà. Allez, oui, dédicace, on prend des extraits de chez toi. Voilà, c'est un petit peu de petits comptes qu'on se règle entre nous. Non, tout va, mais c'est bon enfant. Mais oui, c'est que de l'amour. Tout à fait, bien, il commence bien à comprendre la philosophie de cette émission. Merci. Je suis fan, félicitations à toi, voici les news de la semaine. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Je l'aime bien finalement ce jingle. Ouais, moi aussi, je m'y attache. Ouais, allez, à toi. Alors, à toi. Ce jeudi, qu'est-ce qu'un chauffeur a trouvé dans son tram pendant le nettoyage? Tu l'as pas faite la semaine passée celle-là? Ah non, pas du tout. Non, la semaine passée c'était un chauffeur de bus. Ah pardon. Là c'est un chauffeur de tram. Attention, et oui, nuance. Ah, excuse-moi. Alors qu'est-ce qu'il a pu trouver dans son tram? Un mort. Le mec trop sympa. Non c'est pas un mort. Je sais pas. Il a trouvé de l'argent? Non, pas cette fois. Un animal? Ouais. Ah, quoi comme animal, c'est ça? Ouais, essaye de trouver. De type courant? Ouais, courant. Un mais... chien? Non, parce que ça redoute l'homme. Ah oui. Ouais. T'en vois pas tous les jours quoi. Un ours? Non. Non, non. Un gorille? Non. Un singe? Non. Un cafard? Non, ça serait pas très insolite. Bah là, je t'écoute. Ok. Donc, ce jeudi, donc, comme tous les soirs, il y a le nettoyage du tram. Oui. Et donc, pendant le nettoyage, une bête s'est incrustée dans le tram. Ouais. Et donc, il fait tous les wagons. Puis, au dernier wagon, il arrive. Et en fait, t'avais un renard qui était allongé. Un renard? Ouais, sur tous les sièges et qui faisait une petite sieste. D'accord. Tranquille. Il dormait. À quel... ça se passe où? Ça se passe à Uccle. À Uccle, ben c'est en Belgique en plus. Ouais, d'où ouais. Un renard monte dans le tram. Ouais. En plus, je prends souvent le tram dans cette zone-là, donc. Il a tapé un petit somme. Ouais, mais c'est dangereux pour l'homme, un renard? Oh non, non, justement. Un renard te voit, il va partir en courant. Ah, c'est... oui, d'accord. Un loup est plus dangereux. Mais je pense que j'ai un point commun maintenant avec le renard. Je pars en courant. Si on se croise, on n'arrivera jamais à s'entendre. Ouais. On n'arrivera pas. Non, mais voilà, ça. Ouais. Ah oui, quand même. Un renard. Et il a fait quoi? Tu sais pas ce qui s'est passé? Il a appelé quelqu'un? Il a ouvert les portes et puis quand le renard l'a vu, bah, il a filé direct. Quoi. Ah d'accord. Moi j'ai fait quelque chose de dingue. C'était il y a une semaine, je peux raconter si ça dérange personne. Vas-y, je t'écoute. Hein. Je raconte encore ma vie. C'est un libre antenne, tu vas me dire, c'est normal. Ouais. J'étais en train d'attendre le bus pour aller dans une radio qui n'est pas celle-ci. Ouais. Et en attendant le bus, j'étais en train de me dire, mais où est-ce que l'application SNCB m'a envoyé? Je me retrouve à un arrêt de bus, mais je pense pas que c'est le bon. Bon, c'est pas grave, le bus arrive, je monte dedans et je dis, vous vous arrêtez bien à l'arrêt, là je dis le nom de l'arrêt, je ne sais plus, je vais dire n'importe quoi, Marcel Samba. Ouais. Et donc je dis, voilà, vous vous arrêtez bien à Marcel Samba. Et le chauffeur de bus, oui, oui, non, m'arrête pas à Marcel Samba, non. Oh, la vache. Je dis, ah bah attendez, je vais redescendre, alors il ouvre les portes, donc il a fait, je pense, 5 cm, il a arrêté le bus, il m'a laissé descendre, il ferme les portes, il repart, il s'arrête après 5 cm encore, il réouvre les portes et il me gueule. Je te jure que c'est vrai, c'est véridique. C'est de l'autre côté, prends le bus. Ok, oui, d'accord, merci. Merci monsieur. Oh là. Merci à toi. Ok. Il voulait être gentil, mais en même temps, il était bus, ils m'ont regardé, ils m'ont dévisagé. Tu m'étonnes. Ben voilà, à cause de ce mec, on va encore avoir 5 minutes de retard dans la gueule. Ils ont dû un peu te dévisager, je pense. Mais au moins, on peut critiquer l'aimabilité des conducteurs de bus. Bon, après, la manière dont il m'a parlé, ça a rediscuté, mais bon, en dehors de ça, il a été sympa, il m'a informé. Et j'ai eu mon bus. Voilà. Moi, je prends très rarement le bus. J'aime pas ça, moi. Ah non, moi, je suis tout le temps malade. En bus? Ah ouais, j'ai chaud, je sais pas pourquoi. Ah d'accord. Moi, dans les transports, voiture et tout ça, je suis jamais bien. Moi, ce qui me dérange, c'est que dans le bus, si tu t'endors contre la vitre, le bus il tremble tellement que t'es là. Ah ouais, ouais. Combien de fois tu te réveilles parce que tu te cognes comme un super fort, contre là. La vitre. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est marrant le bus. Enfin, c'est marrant, ça dépend pour qui. Je me souviens une fois, j'ai dû prendre le bus pour aller à Bruxelles parce qu'ils avaient fait des travaux sur la ligne, sur la ligne de train, donc ils mettaient des bus de substitution. Ah là là, les bus, quand ils roulent dans les villages comme un taré, c'est un peu violent. Tu m'étonnes. Hein. Et alors en plus, quand t'es à l'arrière, t'es là. C'est bon, ça passe. Tu te cognes partout, mais bon, ça va, ça passe. En tout cas, bon, bah, c'est le bus. Et si vous avez déjà des anecdotes dans le bus, ou si vous prenez le bus tous les jours et que vous n'aimez pas ça, mais que vous devez quand même le supporter, bah, envoyez-nous un petit message. Plus 32 49 9 15 75, ou tout simplement les réseaux sociaux, on vous répond partout. En réponse à ça, évidemment, on va avoir la question de la semaine. Vous pourrez également participer avec nous. La question de la semaine, je sais pas si on a jamais fait cette séquence avec toi. La question, on la faisait il y a un an et on l'a arrêté finalement. Pourquoi on va la déterrer. Parce que c'est un peu compliqué d'en créer une en fonction de la matière et de l'actualité. Mais là, on a une belle question de la semaine. On va vous la poser d'ici 21h. Ça va être assez sympa. Mais surtout, le retour de la cassette de Jadoul. On l'attendait évidemment. Bien sûr. Tu sais évidemment ce que c'est la cassette. Ouais, j'explique. Oui, ou on met un jingle. C'est comme tu veux. C'est comme tu le sens. Vas-y, allez, va pour le jingle. Voilà, parce que maintenant vous entendez, c'est bien lui qui produit l'émission. C'est parti, la cassette de Jadoul. Allez-vous deviner le son de la semaine? Peut-être. C'est la cassette de Jadoul. Alors, la cassette de Jadoul, c'est une musique que Jadoul va vous mettre, modifiée, et beaucoup modifiée même. Et donc attends, on parle en français. Donc, Jadoul va vous mettre modifiée. Alors, bon, jusque-là, on a... Jadoul va mettre une musique qui va être très modifiée. Tout à fait. Et vous devrez deviner la musique que c'est et vous nous contactez au 32 49... 9, 15, 75. Voilà, c'est ça. Et la semaine prochaine, j'offrirai un Becherel à notre ami Emilien. Non, je déconne, merci à toi. Bon, bah, c'est parti, on lance la cassette, hein, c'est parti. Hop. Je vais toujours au devant, il me 20h30, la cassette est lancée. Est-ce que t'as une idée, toi? Alors là, rien du tout. Ah oui, c'est... Ouais, pas facile, en plus, celle-là. C'est une artiste qui vient changer... Bonjour, la patate dans la bouche. Pour moi, un bécherel et toi un dictionnaire, alors. Voilà, non, un orthophoniste. Ah ouais. Non, alors, c'est une artiste, ouais. On l'entend, c'est une femme, hein, qui vient de changer de nom de scène, en plus. Wow. Ah donc ouais, c'est encore plus chaud. C'est récent comme musique, alors? Ah oui, c'est tout à fait récent, ça. C'est sorti durant la semaine. Ah oui, c'est très récent. Alors j'ai peut-être une idée. C'est quoi l'initiale? L'ancien nom, en tout cas. Ouais. Est-ce qu'il y a un D dedans? Non. Ah bah alors non, c'est non, pas c'est, ça. Non, ah c'est pas dommage. Du tout ça. T'avais quoi en tête? J'avais... Ah mais non, qu'est-ce que je dis, moi? Le D, c'est le titre. C'est allez, est-ce qu'il y a un A dedans, plutôt? Oui, mais c'est pas la première lettre du nom de l'artiste. Pour moi, dans ma tête, c'est la première lettre. Ah bah alors dis-moi. Moi, je pensais à Yana Kamura, là, qui avait ressorti une nouvelle chanson. Ah non. Récemment, je sais plus c'était quoi le nom. Bah c'était ça. Oh Jadoul. Y'a pas moyen. Jadoul. Non, je déconne, non, c'est pas elle. Ah ok, Jadoul. Dommage. Ouais, c'est dommage. Allez, vous avez jusqu'à 22h pour trouver la cassette. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Y'a pas de raison que vous ne trouviez pas, hein. Non, bien sûr. Je pense que quelque part c'est assez simple, car elle a fait beaucoup de télé récemment, elle a fait de la promo, donc il y a sûrement moyen de trouver. Il y a sûrement moyen. Il y a moyen. Vous êtes, enfin, dans Jadoul, avec moi. Arrêtez de dire dans Jadoul. Arrêtez, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Surtout, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. J'espère que tout va bien de votre côté. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'être à notre écoute. On est avec Emilien qui est en très grande forme. Bien sûr. Allez, il y a de la motivation. Il y a de la joie ici, ça s'entend. Voilà. On va bosser ça durant la musique. La joie, tu vois. Ouais, je suis ouais, content. La bonne humeur et ouais, tout parce ça. Parce que imagine si t'es là. Ouais, je suis trop triste. Ça va pas. Allez, Muse qui revient sur le devant de la scène avec Something Human. Merci d'être avec nous, je vous souhaite une très belle soirée. Nous sommes en direct jusqu'à 22h et nous sommes ensemble, on va partager des moments dingues. J'espère que ça vous plaît en tout cas jusqu'ici et il n'y a pas de raison que ça ne vous plaise pas, pense. J'imagine. En plus, dommage que cette émission n'est pas filmée. Enfin si, on est filmé. On est filmé. Comme ça après on peut remettre des petits extraits sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous fais coucou. Et donc tous ces extraits là, on les poste, c'est tout nouveau, ça fait deux émissions qu'on fait ça. Ça fait plaisir. Oui, mais ça marche apparemment puisque apparemment ça cartonne sur le site internet ilarfm.com et sur les réseaux sociaux les petits extraits qu'on met. Ça peut que faire plaisir. Ça hein. plaît, donc oui. Ça peut que faire c'est, plaisir. Je dis, les cadeaux bonus, c'est toujours bien. Si on ouais. les a pas, bah tant pis, mais si on les a, bah tant mieux. Ouais. Voilà. Et alors, attention, je vous l'annonce, cette saison, on aura le retour de l'émission qui nous a fait le record de la saison passée. Combien? Alors, combien, ça, je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête. Ouais. Mais de toute façon, c'est toujours dur à calculer avec. C'était une émission où ça s'appelait La Grande Fouille. Mm-hmm. On a envoyé toute l'équipe, on était quatre, toute l'équipe dans les alentours d'Hilar FM, dans la rue, avec des micros sans fil et tout ça. Ouais. À la recherche de clés pour ouvrir la caverne aux cadeaux de Jadoul. Oh, stylé. C'était sympa et ah je ouais. peux vous le dire, en deux heures, on a dû déborder de 25 minutes tellement l'émission était, était costaud et riche en suspense. On s'est beaucoup marré sur cette émission-là. Et donc voilà, on va refaire ça cette saison. On est en train de préparer ça avec les équipes. Stylé. Et la société qui s'occupe de tout le matériel qu'il y a dans le studio ici ouais. a déjà prévu de belles choses pour nous. Donc voilà, je les embrasse. Au passage, c'est Sevot, merci à vous. Bon, vous êtes toujours dans Jadoul. Non. Mais c'est pénible ça. Parce que avant, quand je faisais une émission, c'était vous êtes toujours dans et je donnais le nom de l'émission. Sauf que là, comme le nom de l'émission, c'est mon nom à moi. Mais du coup, ça va pas. Ça va pas, non. Il y a un bug cerveau. Mais alors, ce qui va pas bloquer maintenant, c'est le jeu des 5 mots. T'es prêt à jouer? Je suis totalement prêt. Qui en trouvera le plus face au chrono? C'est le jeu des 5 mots. Est-ce que tu es prêt à partir pour 30 secondes avec 5 mots à deviner au total? Je suis prêt. C'est bien, car moi non. Le mec le plus honnête au monde. Ouais. Au moins comme ça c'est dit, y a pas de souci. En tout cas, d'accord, il y a toujours un son qui parle, y a pas de souci. En fait, je dois toujours, et ça c'est un reproche que je fais à chaque émission, le petit ding de bonne réponse. Mm-hmm. Je trouve que c'est important de l'avoir et à chaque fois on me le met pas, comme si c'était quelque chose de facultatif. Donc, moi je trouve. Au pire, je peux faire le ding. Oui, ça donne quoi? Ding. Ouais, non. Préfère le son. Jingle. Voilà, c'est ça. De toute façon, on en a un. On va voir chez Julien Lepers s'il en a un. Julien, t'as une bonne réponse? Merci. Ah, parfait. Allez, c'est parti. 30 secondes. Nous sommes dans le jeu des 5 mots. Ah, oui, non. Je précise. Jouer avec nous, chez vous par SMS au +32 49 915 75. Vous aussi à la maison, il n'y a pas de raison. Hein, vous pouvez jouer avec nous. Et si vous êtes dans la voiture, bah, faites-le comme ça, de tête avec nous. Il n'y a pas de souci. C'est parti, 30 secondes. Alors, c'est quelque chose. Quand on. De l'argent. Donne. Non. Prends. Quand, distributeur. Non, alors, quand je te donne de l'argent, mais que tu dois me le rendre bientôt, c'est un. Prêt. Prêt, bonne réponse. Quelque chose que les Italiens mangent, c'est long. Les pâtes. Oui, mais c'est quelle pâte? Spaghetti. Ensuite, c'est quelque chose que pratique Mesmer. L'hypnose. Ensuite, c'est. Sociaux. Réseau. Ensuite, c'est le fruit du. Du. Le fruit du. Oh non, je l'ai pas. Oh non, on en est à un prêt. Non. Le fruit du. Le fruit du. Du jardinier, je sais pas. Mais non, le loto, c'est un jeu de. De boules. Non. Ah non. Attends. Le loto. Attends, j'ai pas bien compris. Non, le loto, c'est un jeu de hasard. Ah, ok. Le fruit de. Ah, ouais, le fruit du hasard, ok. C'est pour ça que j'avais trouvé un fruit, moi. Non, le fruit du hasard. Quand on dit que, bah voilà, ça arrivait, c'est le fruit du hasard. Okay. Merci à toi. J'ai été bête. Ouais, non, bah ça arrive, hein, y a pas de souci. Voilà, j'espère que ça se passe bien de votre côté. Vous avez réussi à trouver les mots. On en refera un dernier dans quelques instants. D'ici 22h, il m'en fera un. Tu as déjà des. Bête aussi. Tu peux y aller, fais costaud. Tu costaud pourras... Ouais. Tu peux me coller, y a pas de souci. Okay. Et 30 moi... secondes ou tu me mettras plus 2 secondes alors Non, quand étant donné costaud, que. Moi je fais costaud. Tu sais, on a FM, on a les moyens que d'avoir un chrono de 30 secondes. Ah, okay, donc, 30 secondes, donc on aura 30 secondes, quitte à rajouter 10 secondes. Allez, ce sera le temps supplémentaire. Mais en tout cas, malheureusement, tu n'as pas gagné ce jeu des 5 mots. Dommage. Mais on est dommage. Tout cœur avec toi dans ta guérison. Je ne sais pas si c'était le bon terme pour. On va le garder. Voilà, c'est ça. Vous oubliez la vie autour de vous là. Elle existe, elle fonctionne. Grâce à la séquence qu'on va faire tout de suite qui s'appelle la question de la semaine. Ou alors on fait l'astuce. D'abord. L'astuce ? On va faire la petite astuce. Comme Alissa n'est pas là, car oui, elle est en maladie. Vous l'avez entendu la semaine passée, c'était. C'était pas bien. C'est anarchique, on va dire. Dans le sens où, niveau vocal, on a connu mieux. On a connu mieux, ouais. Elle était là, ouais, salut, ça va ? Vous pouvez réécouter d'ailleurs tout ça sur les podcasts et sur iTunes. Elle est pas bien, donc là, on lui a laissé une semaine de repos. Ouais. Elle va revenir la semaine prochaine, en grande forme. Et tout se passera bien. En tout cas, je l'espère. On l'espère. Ça reste Alissa, elle est imprévisible. Non, mais quelle idée de faire un karaoké aussi pour se péter la voix. On n'a toujours pas compris. Mais non, ça c'est encore elle, on n'y peut rien. Et il y aura ma séquence aussi dans quelques instants, le zap de Jadoul, toute nouvelle séquence qu'on a travaillée pour vous avec un beau zapping. On vous a fait plaisir sur le coup. Qu'est-ce qu'on doit faire là maintenant? L'astuce. Merci beaucoup. L'astuce peu utile, mais très pratique. Alors, il faut savoir que l'Elysée a lancé quelque chose, mais qu'est-ce qu'ils ont lancé à l'Elysée? Une campagne pour aider les personnes défavorisées? Non. Est-ce que c'est utile? Enfin, je veux dire, est-ce que ça aide des personnes en particulier? Non. Non, pas vraiment. C'est pas dans ce sens. Enfin, peut-être, avec l'argent qu'ils reçoivent de ça, mais je sais pas. L'argent qu'ils reçoivent de ça. Ils ont créé une marque de vêtements. Ils ont créé une marque de vêtements? Non, pas de vêtements, mais il y a un délire. Ils ont créé une marque de. Non, pas nourriture, ce serait bizarre. Non. Cosmétiques. Pas vraiment, mais des. Allez. En fait, ils ont créé tout simplement, je vais vous dire la réponse, ils ont créé un assortiment de goodies. Donc des petits trucs. Sérieux ? Oui, des montres à l'effigie de l'Elysée, des trucs et tout ça. Ça doit coûter. Ça coûte un peu cher, ouais, oui. Ouais. Et il faut savoir que la trois quarts de l'argent récolté par ces objets vendus, tout va dans la poche du créateur. Ah, ok. Voilà. Donc, j'allais dire que l'astuce pour rembourser les dettes de l'État, c'était d'acheter ça à l'Elysée, mais non, ça ne marche pas. Non, ça marche pas. Imani, tu connais? On l'a écouté la semaine passée, donc oui. Oui, je connais, oui. Je vous souhaite une belle soirée. Vous écoutez Jadoul, 20h, 22h. Eh ben, il est déjà 43, 20h43. Ça déjà passe vite, hein. Oh, quand on s'amuse, hein. C'est grâce à toi. Oh. Alors, je suis peut-être le seul à penser ça, mais cette musique, j'ai l'impression qu'elle est super connue, pourtant elle vient de sortir. Ouais, c'est vrai. On l'entend rien partout. Rien que le style de la musique. Enfin, on a l'impression d'avoir déjà entendu. Non, j'ai juste l'impression qu'ils ont mis du Anastasia, du Grégoire, du truc, ils ont tout foutu dans un mixeur, dans un blender, ça a donné ça. C'est vraiment ça. Non, mais il y a une espèce de délire, c'est les cranberries, enfin, il y a un gros mélange. De toute façon. Vrai. comme dirait quelqu'un que je connais très bien, tout le monde pompe sur tout le monde, c'est Magouille et compagnie. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaît, on est ensemble, et si vous avez envie d'écouter quelque chose, ben n'hésitez pas, envoyez vos recommandations par les moyens de contact de la radio, comme le numéro de téléphone, le plus 32 49 9 9 15 75. Voilà, niveau mémoire on est comment? Très bien. Maintenant que tu le dis, je vais te faire confiance. Ça va. Allez, la question de la semaine, on va se la faire tout de suite. C'était bien ça qui était prévu. Hein. C'était pas ta news insolite? Oui, mais ma news insolite, c'est la question de la semaine, c'est pareil. Ah, ok, parfait. Voilà. Comme ça, c'est fait. Enfin, si c'est bien ça, hein, je sais plus. Où on est? Dans quelle émission sommes-nous? On n'a même pas mis de jingle après la musique. Tu te rends compte où on est? Ah là là, on fait pas les choses bien. C'est pas mais bien. Si, bien sûr que si. Si, mais je veux dire que c'est la première émission où tout se passe bien, il n'y a pas un bug. Ouais. Je veux dire, là on venait de lancer le titre. C'est bizarre. C'est bizarre. En fait, je pense que c'est parce qu'Alissa n'est pas là. Non, en fait, tout se passe bien. On est dans un studio, en plus, les mieux éclairés que d'habitude. Mm-hmm. On a du contenu, on a un Emilien en grande forme et super bien coiffé. Maintenant qu'il sait que c'est filmé. Hein. Allez, vous êtes chez Jadoul, j'espère que vous passez une belle soirée. Merci pour le jingle. Jadoul. Et c'est parti pour la question de la semaine. La question de la semaine. Alors, c'est complètement dingue. Je sais pas si tu t'attends à ça, mais la question c'est, répondez-y chez vous avec nous par SMS plus 32 49 95 75 et sur les réseaux sociaux. Peut-on faire mieux que Nancy Crumpton Borip? Alors non, c'est pas mieux que le nom que je viens de vous dire. Dans le sens, c'est mieux que ce qu'elle a réussi à faire dans sa vie. C'est-à-dire que c'est une romancière américaine de 68 ans, auteur du roman qui s'appelle « Comment tuer son mari ». Elle vient d'être arrêtée et elle va être jugée car son mari a disparu il y a 4 mois et elle est soupçonnée de meurtre. Oh la vache. C'est dingue. Mais c'est une championne. Je sais pas comment elle a fait. Donc pouvez-vous faire mieux qu'elle? C'est la question que je vous pose. Pouvez-vous y répondre? Moi en tout cas je sais pas. Moi je peux pas faire mieux. C'est juste dingue. C'est comme si Jamel Debbouze qui a fait pourquoi j'ai pas mangé mon père, il a bouffé son père. Ouais, c'est vraiment ça. Enfin, c'est dingue. Voilà, ce qu'elle écrivait dans son livre, c'était super sérieux quoi. Ça se trouve c'était son plan. Ouais, tout simplement. Et j'ai vu un film récemment. Je sais plus du tout parce que moi je m'endors devant les films, donc du coup je sais plus si ça fait partie du rêve ou de la réalité. Ouais, c'est un peu dingue. Je vais consulter. Non mais alors du coup c'était un film où il voulait. Ah oui voilà, ça y est. Tu l'as, c'est bon. Ouais, c'est bon. Parfait. L'idée est tombée. C'est dans New York Unité Spéciale, voilà une série où il y avait un type qui cherchait à écrire un bouquin et cherchait de l'inspiration et tout ça. Non, excusez-moi. Oh là là. C'est ça va. Alzheimer, bonjour. C'est Louis de Funès dans le film où il est un mec qui faisait du cinéma et tout ça et où il cherchait comment écrire une pièce où il tuerait une personne qui lui doit de l'argent et tout ça. Ah, c'est à qui il devait de l'argent. C'est l'avare. Non, pas l'avare, l'autre. Pas Joe, attends, je sais plus. Ah, je l'ai pas du tout. Ouais, bref, c'est un film de Louis de Funès. Ouais. Et alors, du coup, dans le film, il cherchait à trouver un scénario pour enterrer le mec à qui il devait de l'argent. Mm-hmm. Et finalement, il bute la mauvaise personne. Oh la vache. Et comme il y a des inspecteurs de police chez lui, il doit trouver un moyen de dissimuler le corps. Voilà, c'est un vieux film de Louis de Funès, mais ça fait penser un peu à cette histoire-là. Mais parfois, c'est parfois les cordonniers qui sont les moins mieux chaussés. Mais moi, hier, j'ai été voir un film et j'ai pas dormi de la nuit. Ah oui, ouais, quand même. La Nonne. Je sais pas si t'en as parlé. La Nonne, non, ça c'était à l'église. C'était... ouais, mais justement, c'est un film en mode chrétien qui fait flipper et tout. J'ai été le voir au cinéma hier. Et ça consiste en quoi? C'est une fille. En fait, il y a eu un suicide dans une abbaye. Ah, trop sympa. Ouais, ouais. J'espère que vous passez une belle soirée avec nous. Puis il y a des phénomènes. Waouh, ça fait super peur. Bah, fais-nous le synopsis en vitesse. Je te résume l'histoire. Ouais, vite fait. Très, mais j'explique très pas la fin parce que s'il y a des gens qui veulent encore aller le voir. Oui, c'est mieux. Donc, il y a eu un suicide dans une abbaye. Ouais. Et donc, une fille, donc une future sœur. Et un prêtre vont aller voir ce qui s'est passé. Mmh. Et ils se rendent compte qu'ils sont pas tout seuls dans l'abbaye et qu'il y a une entité paranormale appelée la Nonne et tout qui veut posséder un corps pour pouvoir s'échapper de l'abbaye. Oh là là. Et genre ça parle waouh, c'était pas bien. À un moment elle regarde dans un miroir puis le miroir explose sur elle puis il y a la Nonne derrière. Waouh, ouais. Voilà. Ça fait peur. Ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Et quand tu sors de la salle de cinéma, tu chantes. Ah. Ouais. T'es trop joyeux quand tu sors de là. Ça. Non, c'est génial. Ouais, non, c'est sûr. Moi, les films, j'ai du mal à ce que ça me fasse peur. Ah, moi, j'aime bien. Ou alors quand enfin j'y crois moyen au paranormal. Ah, moi non plus. Mais quand je regarde des trucs, des vidéos sur internet ou des films paranormaux, j'essaie de jouer le jeu et je me mets dedans. Sauf que tellement que je me mets bien dedans, un peu trop bien dedans. Voilà, je passe la nuit à regarder des trucs comme ça. Donc je sais que si je commence à minuit à regarder des films ou des vidéos comme ça, à 5h du matin, j'y suis encore. Donc c'est pas très bon pour mon sommeil. Ouais. Voilà, ouais, c'est pas terrible. Et j'ai l'impression que les films, quand je les regarde, ils me disent: tu n'as pas sommeil. Vous avez vu, en plus je suis réactif au niveau des sons. Ah ouais, c'est dingue. Mais qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui? Mais je me le demande. Ah là là, je vais jouer au loto en sortant, moi. Non, tout se passe bien. Allez, j'espère que de votre côté aussi tout roule nickel comme ça dans votre vie. Et si vous avez des anecdotes, des choses qui vous arrivent, bah, n'hésitez pas. Il va être 21h bientôt, ce sera l'occasion de faire le zap de Jadoul avec tout ce qui se passe de mal en radio et en télé. Enfin de mal, des petits travers quoi. De drôle, on va dire. Voilà, des petits moments insolites. J'ai l'impression que le mot de cette émission, c'est insolite. Ouais, vraiment. J'ai l'impression que on l'utilise beaucoup. Alors, est-ce que tu connais les favelas? À Rio de Janeiro et tout ça. Oui, enfin, je sais pas où ça se situe précisément. Ouais, je vois. Mais tu vois à peu près ce que c'est? Ouais, je vois ce que c'est, ouais. Ah bah alors, c'est rien à voir avec ça, c'est une musique qu'on va s'écouter tout de suite. Ah, ok. Voilà, comme ça c'est fait. Favela, c'est de Ina Waldstein. Enfin, c'est une femme, et voilà, elle est dans le monde, elle a un zen, un nez. Voilà, comme ça vous savez. C'est une belle soirée. Bientôt 21h, on va fêter ça dans quelques instants, avec le zap de Jadoul. Attention mesdames et messieurs, dans quelques instants il va être 21h. Et c'est l'occasion de faire une petite rampe tout simplement. Ouais. Alors là voilà, on est content, on est bien installé, ça se passe bien. C'est samedi, je vous souhaite la bienvenue, merci d'être avec nous. Vous avez choisi Jadoul et franchement il n'y a aucune raison de zapper car on a tout ici sur un plateau, de l'actu insolite, du divertissement. On va vraiment se marrer ce soir, je vous souhaite une très belle soirée, nous sommes en direct encore jusqu'à 22h. Jadoul. Allez, on a encore beaucoup de choses à voir, notamment une actualité complètement what the fuck. Voilà, c'est la nouvelle séquence, on va peut-être faire un jingle pour la semaine prochaine. C'est pas mal le petit jingle que tu viens de mettre là. Ouais, c'était sympa. Il est sympa. Ça a de la gueule. Hein. Ouais, ça a de la gueule. Attention, depuis qu'on travaille avec les Américains, maintenant c'est... C'est le... Jadoul, c'est international. Ouais. On est mal barré. Parce que moi, avec mon accent anglais, je veux dire... C'est... Si tu dois aller à la Jadoul School, je te dis... Je te conseille. T'es pas sorti. Ouais. Toi, t'es bon en anglais? Je me débrouille. Niveau scolaire, quoi. Ouais, niveau scolaire, bien sûr. Hein, t'as fait. J'ai 15 ans, 14. Ouais. 14. T'as 14 ans? Ouais, j'ai 14 ans. Ah, voilà, descend direct, choc. Ouais. Non, mais c'est bien, voilà, on les prend jeunes. Non. Ça fait totalement pervers. On les recrute. On recrute jeunes, voilà, plutôt. Ouais. En tout cas, voilà, on peut passer à l'actu insolite. Ouais, aucun problème. Alors cette actu, c'est-à-dire que pour le mercredi 26 septembre, c'est la journée internationale contre la protection lors des rapports sexuels. Donc Attendez. Attends, il y a un problème. Attendez, il y a un petit problème, je recommence. Ouais. On reprend à zéro. Alors, pour le mercredi 26 septembre, c'est dans quelques jours, une chanson a été composée pour rappeler que... Écoutez les gars... Tu peux y arriver. Non, je vais pas y arriver. On croit en toi. Parce que je vous explique, c'est pas mon écriture sur l'affiche. Alors du coup, je n'arrive pas à lire. Et j'essaye de faire semblant... J'ai pas compris quand t'as dit contre la protection, je suis là, what? Mais j'essaye de faire semblant en direct que l'affiche, elle est connue et que je connais mes infos, que j'ai étudié l'émission. Mais non, j'arrive pas à relire. Donc attends. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, j'avoue, il écrit comme un médecin. Tout à fait. C'est space. Hein. Ouais. Quand tu regardes ça, tu te dis comment doit-on déchiffrer tout ça. Bon, c'est pas grave. Hein. On embauche des gens sympas ici à la prod. Hein. Autant on est sur Hilar FM, une radio drôle. Autant la production TMS Prod, on engage des gens drôles. ça, au moins, on est sûr que c'est bon. Allez, est-ce que je peux tenter de la refaire? Vas-y, fais-toi plaisir. Non, je le sens pas. Allez, moi, je crois en toi. Oui, mais moi non. On croit tous en toi. Écoute, on se fait une news de la semaine. Ok. On se fait une news de la semaine. Quoique, cette émission, on est là et on veut vous faire sourire, comme le rappelle cette cartouche. Sois sur le temps qu'on déchiffre tout ça, on va repasser à la cassette de Jadoul. Toi, tu ne l'as toujours pas, Emilien ? Je ne l'ai toujours pas. Est-ce que tu t'en souviens encore ? Ouais, mais c'était dur. C'était dur, ouais, donc c'était on va peut-être la réécouter. Ouais. C'est pas plus mal, la voici à nouveau. C'est rembobiné. Je vais toujours au devant. Il me tarde de trouver la violence facile. C'est... Ah oui, ah oui, ah oui, quand même. En fait, là, la voix me fait penser à quelqu'un, mais je sais pas dire le nom. Ouais. C'est toujours comme ça. On est toujours là en mode ah, je l'ai sur le bout de la langue. J'ai... Attends. Et là, tout le monde dans la voiture qui est en train de nous écouter sont en train de se dire. Ça vous le trouvez, c'est la cassette de Jadoul. Vous pouvez remporter l'album de la chanteuse que vous venez d'entendre. Donc voilà, on nous les envoie. Donc autant nous, on n'en fait rien. Donc on vous les envoie. Parce que oui, les maisons de disques ont l'habitude de nous envoyer les albums. Ouais. Comme si on était encore à l'époque des CD. Mais je pense qu'en fait, ils ont compris le filon. C'est parce qu'on les fait gagner. Ouais, ça fait de la promo pour l'artiste. Sauf que nous, dans notre séquence, on dit pas le nom de l'artiste. Mais on vous fait gagner l'album. Donc ça tient le suspense jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Tu as vu, ça c'est bien produit cette émission quand même. Hein. On se demande quand même comment on arrive à rester là. Bah, c'est tout simplement parce que je pense qu'on est numéro 1. Et ça s'entend. Ah ben oui, on est numéro 1 vu qu'on est la seule émission du samedi sur IRFM. Attendez. Et vous nous écoutez en direct, en simultané sur Radio Sud et ARL. Je vous souhaite une belle soirée. 21h pile, vous écoutez IRFM. Tout de suite une actualité insolite de Emilien. Est-ce que tu en as encore une sous la main ? J'en ai encore une sous la main, ouais. Encore une, juste une. J'en ai. C'est la, on va dire, qui fait partie des plus croustillantes. Des plus croustillantes. Ouais. C'est craquant, c'est fondant, c'est Old El Paso. Allez, c'est parti. On se fait les news de la semaine. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Je te la fais deviner ? Tu peux me la faire deviner, oui. Ouais. Donc, qu'est-ce que deux Thaïlandaises ont fait pour aller voir leur acteur favori ? J'ai quelque chose, mais je peux pas le dire à cette heure-ci. Non, c'est pas ça, t'inquiète. C'est pas ça. Qu'est-ce que deux Thaïlandaises ont fait ? On soudoyait un petit peu, on donnait de l'argent ? Non. Ils se sont fait un tatouage ? Non. C'est de quel ordre ? On va dire déguisement. Déguisement ? Ouais. Elles se sont déguisées en vigile. En agent de sécu. Ouais, c'est ça. T'as vu ? Ouais, moi aussi je fou, peux. Moi. Moi aussi je peux trouver des arnaques. Wow. Bim d'un coup, oh, je suis trop content. Donc je t'écoute. C'était ce 14 septembre, donc il y a deux Thaïlandaises vraiment fans d'une star sud-coréenne. Et elles se sont donc déguisées en vigile pour aller l'approcher. Et le pire, bah, c'est que ça a marché. Ah oui, quand même. Ouais, ça a marché. Mais faut avoir l'idée, moi je dis. Hein. Faut avoir l'idée. Le tenter. Et c'était à Bangkok. À Bangkok ? Ouais. T'avais dit que c'était en Thaïlande ? Bah, Bangkok, c'est en Thaïlande. Hein. Merci. Voilà, encore une fois. On pardonne. Voilà. Donc, on rappelle la journée mondiale de l'échec scolaire. Ça se passe bien. Hein. Oh, c'est pour ça aussi que vous m'aimez, hein, quand même. Alissa n'est pas là, faut bien la remplacer. Écoutez. Faut bien quelqu'un. On t'embrasse, Alissa, si tu nous écoutes de chez toi. Voilà, on te souhaite un bon rétablissement. Ouais, il faut quand même le faire. T'as pas plus d'infos là-dessus ? Elles se sont fait caler quand même, si on le sait maintenant. Bah, ouais, mais après l'émission. Donc, après l'émission. Après leur soirée. Ouais, après le show, quoi. Ah oui, d'accord. Ils ont quand même eu 2-3 problèmes. Ah, 2-3 problèmes ? Ils ont dû quand même payer une petite amende. Parce que, amende ? Bah ouais, parce qu'on peut pas se déguiser en vigile pour approcher d'une star, quoi. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'y ai pas pensé, oui. C'est pas commun. Oui, c'est vrai. Bon, écoute, le zap de Jadoul, on va se le faire juste après la musique. Ouais, ok. Ça te va ? Moi, ouais, ça me va. C'est parfait, c'est parfait. Ça, nickel. En tout cas, voilà, c'est une séquence. On va la tester en direct. Moi, personnellement, je la sens bien. Ah. Pour ceux qui me suivent depuis quelques années, ce que je faisais dans une émission télé qui s'appelait Cher, c'était les apps du PAF. C'est un peu le même esprit. Mm-hmm. Donc j'espère que ça va vous plaire. Sauf que là, c'est vraiment adapté pour la radio. On a vraiment bossé un truc. On n'a pas juste repris la séquence. On a bossé le dos. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, on a préparé ça avec le cœur. Oh, c'est parfait. T'as vu le C'est magique. Dès qu'on fait quelque chose avec le cœur, ça va ça bien. Ça marche. Ouais. Voilà. On peut tuer quelqu'un, mais avec le cœur. Avec le cœur toujours. Alors, on va appeler aussi des gens pour la fête du jour. Et c'est quelle fête aujourd'hui, Emilien ? C'est la fête des Maurice. Des Maurice ? Ouais. Ah d'accord. Oui, il faut pas que je... Oui. Ouais, ça va être des personnes plus âgées, je pense. Ah ben, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on veut. Je dois dire, voilà. On montre que ça, nous. C'est la génération qu'on préfère. Ouais. Tout à fait. Bon, ce sera dans quelques instants sur IRFM. On est en très grande forme, on est complètement déchaîné, vous le dites. J'ai attendu toute la journée ce moment. Tout ça pour 2 heures d'émission, en direct, rien qu'avec vous. Et on est là, content. Hein. y a eu un embouteillage de mots. On n'a pas compris. Il y a eu un problème. J'allais dire, on est content d'être avec vous ce soir. Ça fait, on est content. Vous. Voilà. On n'a pas compris. C'est pas grave. Je vais rebooter ma machine. Rebooter mon cerveau. Je sais pas si c'est possible, mais on va essayer. On va essayer. Mais en tout cas, voilà. Quand c'est pas une erreur technique, c'est une erreur humaine. Comme ça, il y a un point partout. Tout se passe bien. On est bon à ce niveau-là. En tout cas, on est content. Allez, on est quand même dans un paradis ici. Hein. Ouais, c'est vrai. Un paradis qui s'appelle Sarah Costa. Et c'est ce qu'on s'écoute tout de suite. Belle soirée à vous, toujours sur Ilar FM. Je vous souhaite la bienvenue pour si... Enfin, tout simplement, si vous nous rejoignez d'une autre radio, bah, je peux vous dire qu'ici, c'est la meilleure émission de toute la bande FM. Menteur. M-E-N-T-E-U-R. Mais comment vous osez ? Voilà, merci. Même dans Motus, je me fais... bah, c'est sympa, ça, c'est gentil. Jadoul. Allez, grosse émission, hein, je vous le dis. On va revenir sur plein de choses qui s'est passé dans l'actualité. Comme la semaine passée, il débouche une canette à l'antenne, il n'y a pas de souci. Ouais. Dans quelques instants, il se grattera les parties intimes. Bon. Allez. Ce que je te propose de faire, c'est de me faire le jeu des 5 mots. Ça marche, je te fais ça. Tu l'as ? Oh, je l'ai, il est prêt. Ah ben, c'est parti. En tout cas, vous pouvez vous dire en écoutant la radio. Je suis sûr que c'est ça. Vous vous dites. Salut Gourvin, qu'est-ce que tu veux ? Merde, on l'entend pas. Salut Gourvin, qu'est-ce que tu veux ? Ah bah, ce que je veux, c'est tout simplement que vous soyez bien, que vous ayez le sourire et que vous attaquiez le deuxième jour de votre week-end avec la pêche, la patate, le panache, le poing dans la gueule. Ah non, bonne humeur. Pas ça. Allez, bah, c'est parti. Le jeu des 5 mots, version Emilien contre Thomas. Est-ce que tu veux un jingle ? Je parie que oui. Bah, bien sûr. Quel gourmand, mais c'est dingue ça. T'adores les... Oui, tu manges que des jingles. Ouais, c'est vrai. Moi, je mange les intros et toi, tu manges les jingles. Comme ça, on est bon, on est synchro. Allez, bah, c'est parti, le jeu des 5 mots, comme on le fait maintenant depuis, bah, depuis un an sur cette antenne. Comme quoi, ça veut dire que vous aimez cette séquence. Qui en trouvera le plus face au chrono ? C'est le jeu des 5 mots. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Ah bah alors, aucune raison d'attente. C'est parti, on joue. Oui, moi aussi, bonjour, Canal Plus crypté. Bon, tout va bien. Je peux pas tout faire en même temps. Réaliser cette émission, regarder les caméras, c'est pas facile, te regarder hein. Toi. Réfléchir. Et en même temps, articuler, je peux pas. J'ai choisi d'abandonner quelque chose, c'est l'articulation. Allez, c'est parti, on part pour... Et on y arrivera jamais. Écoutez, je vais boire un coup, je t'en prie, meuble. Ouais, vas-y. Bonsoir, j'espère que vous passez un agréable moment. Il se fait un speed dating là en mode bonsoir Emilien, je me présente, enchanté. Non, allez, c'est parti, on part pour 30 secondes, vous aussi jouez avec nous chez vous, à la maison, en direct, c'est parti. Alors à la radio on parle avec quoi ? Le cœur. Non. Le micro. Ouais, on fait... Il y a quoi derrière quelqu'un quand on fait des montages ? C'est un fond. Fond. D'écran ? Non. Pour faire des montages dessus, un fond. Un fond vert. Ouais. Ah ouais. D'accord. La personne qui chante désaccordé. Ah ça je l'ai pas. Non. Ah non. Si non. Un mec. Ouais c'est un mec. Ouais je, mais je on vois. On la passe. Non on peut pas passer dans ce jeu. Ah dommage. Ah je suis dégoûté. Oh triste. Aucune compassion. Oh quel triste. Dommage. Point. Oh, je suis vraiment déçu pour toi. C'est ça ouais. Bon bah je ne l'avais pas. Bon on va repartir pour 10 secondes. Ouais. Et il t'en reste encore 3 ça va aller. Il m'en reste encore 3 Ouais. C'est le jeu des 20 mots ou ça se passe comment? Non, vraiment 5. Ah d'accord, ok. Bon bah c'est parti, on va repartir alors. Ouais c'est reparti. Écoutez, on est mal barré hein. Allez c'est parti, on repart pour 30 secondes alors. Ok, ouais, c'est parti. C'est mieux. Alors qui chante désaccordé? Je sais pas. Bon, tu l'as, Oui mais alors attends, si on va rester calé sur 7 ans, ouais on va la sauter. On va la sauter? Ouais. T'es sûr? On va la zapper. Je te dis c'est qui alors? Oui. C'était Vald. Bah oui, Vald. Bien sûr. Bah oui, bien sûr. J'écoute que ça. Non, c'est pas mon répertoire préféré, mais quand je croise des baraquis aux cheveux blonds teintés dans les rues de Libramont avec une queue de cheval, ouais, Ça t'arrive d'écouter Vald? Ouais, okay. Voilà. Ça m'arrive. Allez, c'est parti, on repart pour 30 secondes, il y a pour les deux derniers mots. Ok. Donc si tu m'as bien écouté, j'étais voir quel film? Oh non! Ah mais si! Non ah, faut être attentif. Ah! Je l'ai. C'est quoi? La nonne. Ouais, parfait. Nickel. Un humoriste qui a fait un feat avec Gad Elmaleh. J'allais dire Gad Elmaleh. Kev Adams. Ouais, c'est ça. Oui. Oh, on y est arrivé au bout de 50 secondes. Voilà. Bon. Ça va. Y a pire. Peut-on m'accorder le point? la question. Étant donné que j'étais pas très gentil avec toi et que à un mot près je t'ai refusé le jeu des 5 mots. Ah, je peux pas te l'accepter. Hein. Il faut pas que tu me l'acceptes. Ouais, je peux pas. Donc voilà, on tentera de faire mieux dans les prochains jeux des 5 mots. Vous pouvez aussi jouer avec nous, +32 49 9 15 75. Vous téléphonez, on vous bascule directement à l'antenne sans aucun filtre, sans aucune sélection. Donc ouais, on peut s'attendre à quelque chose d'improbable, ça y a aucun souci. On peut tomber sur du lourd. Ouais, c'est vrai. Et dans quelques instants, on va appeler des Maurice. Voilà, des Maurice, s'il y en a, vu qu'on vient de parler des humoristes. C'est pas la même chose là. Celle-là, il fallait la chercher quand même. Il fallait la chercher. Ouais, c'est vrai. Bon, c'était la mauvaise vanne du jour. Ok, une petite alerte, désolé. En tout cas, on va en avoir d'autres, des jeux de mots pourris. Et on va avoir le zap, surtout, dans quelques instants. Mais je vous dis, c'est un bonheur de vous retrouver ici sur IRFM. Je m'appelle Jadoul. On se retrouve tous les samedis de 20h à 22h. Je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent des autres radios. Si vous tombez ici pour la première fois, ne soyez pas choqués au début. La folie que vous avez là, c'est normal, c'est naturel. c'est normal. Faut juste s'y habituer. Allez, je vous souhaite une bonne soirée en tout cas. Merci d'être là. C'est grâce à vous que cette émission est là et qu'on avance et qu'on peut toujours tenter des nouveaux délires, des nouveaux trucs. On vous aime fort. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous pensez, Thierry Emilien? Dites-le nous. +32 49 9 15 75. Ça fait peur. Que vous l'aimez bien. Mais pourquoi ça fait peur? Ah bah, ça fait quand même un peu peur. Hein. On sait pas ce que les gens pensent de nous. Est-ce que tu t'es déjà réécouté de cette émission? Ouais, mais toujours tout seul, jamais. Toujours même. Tout seul. Ouais, les jours le podcast entier. Pas entier, ça j'ai la flemme. Non, ouais, si, allez entier, on va dire. Non, mais tu peux me dire hein, si tu l'as pas écouté en entier. Celui de la semaine dernière, j'ai pas eu le temps. La première, je l'ai écouté en entier. Mais... Ah oui, quand même. Ouais, je l'ai écouté les 2 heures en entier. C'était long, mais je l'ai fait. C'était long. C'est sympa pour cette émission. Non, je rigole. Non, mais ok, y a pas de souci. Allez, tout de suite. Aven sur Ilar FM. Je vous souhaite une belle soirée en même temps sur Radio Sud et ARL, voilà, ça vient de revenir. Ouais. Il y a beaucoup de radios, c'est normal. C'est j'ai encore bouffé l'intro, c'est pas grave, on va relancer le titre. Et allez, oui, c'est reparti. C'est Radio Bricolage, on est là, nous sommes en direct. Belle soirée à vous. On a encore le zap de Jadoul, juste après ça. Bonne soirée à vous, vous êtes toujours chez Jadoul en direct jusqu'à 22h avec notre Emilien National. Salut. Voilà, il y a eu environ 2 secondes de temps de réponse. Le temps que je trouve mes casques. C'est presque aussi long que le site d'Ilar FM. Bon, alors. Oui, c'est gratuit comme pic. Gratuit. Je vous souhaite une belle soirée. Merci d'être à notre écoute. Et tout simplement, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et de toute façon, vous avez fait le bon choix. Jadoul, 20h-22h sur Ilar FM. Allez, on va appeler des Maurice d'ici quelques instants. Je note tout ça. Parce que c'est lui le responsable du standard. pour leur souhaiter une bonne fête. On va voir s'ils vont reconnaître le membre de la famille qui leur appelle pour leur souhaiter bonne fête. Voilà, on sait pas si ça va tilter. Là, le premier, il vient de Charleroi. De Charleroi. Ouais. Quoi, tu veux qu'on le fasse tout de suite? On peut essayer si tu veux. Je t'avoue que ça m'arrange pas. T'inquiète. Ouais, non, mais on peut le faire maintenant. C'est comme tu veux. Si tu te sens capable de meubler 10 secondes, on peut le faire. Je peux essayer. Tu peux essayer? Ouais. Juste pour savoir si je prends ce risque. En impro, est-ce que t'es doué? En impro? À la radio, je sais pas, j'en ai jamais fait. Ou alors, c'était une news qui est un peu pourrie, c'est pas grave, ça sera toujours mieux que de combler dans le vide. Ouais, au pire, je fais une news un peu pourrie. Ça veut dire que le gars, il dit quand même qu'il a des news pourries. C'est bon, j'ai une news pourrie. Mais non, mais. Mais mets un peu en valeur ton travail. J'ai une news vraiment folle qui va vous rendre. Merci beaucoup. Je préfère entendre ça. Je vais vous impressionner. Tous les samedis, de 20h à 22h, c'est. Jadou. Ce jingle fait encore plus flipper que le film La Nonne. Ouais, c'est vrai. On va quand même se calmer sur les jingles, s'il vous plaît. Moi, j'ai vu sur le petit couloir noir derrière toi. Oui. Ah, je suis pas à l'aise. Hein. Ah oui, il y a un petit couloir noir là. Ouais. On va peut-être pas le traverser seul. C'est vrai. C'est un peu inquiétant. Allez, c'est parti. Encore une news de la semaine. C'est pour nous, c'est cadeau. Toujours dans cette deuxième saison de Jadoul, le 22 septembre à 21h19. Ah ouais, ça passe vite. Déjà. C'est dingue. C'est à une vitesse. Bam, bam, on s'en rend pas compte. Ouais. C'est parti. Jadoul. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. De quoi vas-tu nous parler tout de suite, Emilien? Des pompiers se sont plaints à Jette car ils avaient installé une nouvelle toilette. Donc déjà, c'était assez chiant. Tout ça pour que la porte soit bloquée. Et donc, ils ont dû rester la porte ouverte pendant des mois. Et c'était totalement bloqué. Donc ils avaient la porte ouverte tout le temps. Donc en gros, ils faisaient leurs besoins, la porte ouverte et tout, et c'était pas très cool quoi. Oui. Il y a des gens qui ont réussi à... Enfin, je me pose juste une question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi à écrire un article là-dessus? Ouais, vraiment. Punaise. En plus, l'article, il n'est pas court, hein. Ouais, ah oui. Ah oui, oui. Ah, je, genre, ça, c'est une écrit, porte de toilette qui ne se ferme pas. C'est écrit tout petit. Ouais. Il a trois pages là-dessus. C'est vraiment dingue. Donc, mais il y a des gens qui s'ennuient. Il y a des gens qui sont morts dans ces toilettes pour avoir autant de lignes. Ouais, je sais pas. Tout ça pour une porte qui ne se fermait pas à la caserne de Jette. C'est... D'accord. Jette, c'est en Belgique. Ouais, c'est en Belgique, ouais. D'accord. Bah voilà, on a ouais, eu. Voilà la petite anecdote que tout le monde s'en fout, mais qui voilà. Reste une anecdote. Oui. Au moins, on en a eu une. De toute façon, je vais vous dire, je vais répéter un truc que j'ai dit il y a quelques mois dans l'émission. Le jingle de base de cette émission, s'il n'y aurait pas eu une faute de frappe au moment où on a commandé la voix off, le jingle c'était les infos inintéressantes qui vont vous intéresser. Et au final, le jingle c'est les infos intéressantes qui vont vous intéresser. C'est complètement con comme phrase. Ah ouais, sérieux? Ben oui. Ah, je m'étais jamais. Personne s'en rend compte, mais c'est une énormité débile. Voilà, il n'y a que moi qui l'entends. Peut-être que vous aussi chez vous et vous ne nous le dites pas, ben, n'hésitez pas, vous pouvez nous dégommer. Balancez, hein. Faites-vous plaisir. C'est ça, voilà. On n'est plus à ça près, vous savez. Mais ouais. Allez, on va s'appeler alors maintenant des Gilbert. Des Maurice. Je sais pas pourquoi j'avais Gilbert en tête. Peut-être en hommage à Montagnier, je sais pas. Je ne cherche pas à savoir plus loin que ça. Et on aura la réponse de la cassette de Jadoul dans moins de 40 minutes maintenant. Vous pouvez encore jouer avec nous. À quel numéro, Emilien? Alors, au numéro, je vous dis ça dans moins de 5 secondes. Il faut juste que je trouve la bonne page dans ce carnet beaucoup trop rempli. J'ai l'impression que téléphoner au gouvernement, ça va plus rapidement. C'est bon, je l'ai. Oui, okay. Alors, au plus 32 49 9 15 60 et 15. Waouh, peut-être qu'une fois, on aura le numéro de téléphone instantanément de tête. Ah, ça, il faudra attendre. Ce qui m'impressionne, mais quand je dis impressionne, c'est. Je suis ébahi de voir toujours que chaque semaine, il arrive avec des news, avec un paquet de news en main, et qu'il les récite, mais de tête, ouais. Sans même les lire. Alors que les anciens chroniqueurs, bon bah voilà. Non mais, alors je suis toujours bluffé par ça, mais le numéro de téléphone, ça on l'a pas. Ah ça, j'y arriverai jamais, non. On y arrivera. Il y a que du travail. Enfin si, peut-être un jour, je sais pas. Qui sait. Jadoul. Allez, on va se faire maintenant le coup de fil indésirable vers un... Maurice de Charleroi. Maurice de Charleroi, tout à fait. On compose le numéro au standard tout de suite. Nous sommes en direct. Alors, on va dépoussiérer le standard. Hein. Il a plus servi depuis une semaine. Je suis pas sûr qu'il fonctionne encore. On va tester ça en direct. De toute façon, on est là. C'est une émission. C'est un peu comme la NASA ici. On peut tester les choses. Cool. Voilà. Enfin, la NASA, ils ont pas le droit à l'erreur. Ouais, hein, non, oui. C'est vrai. Nous, oui. Enfin. En principe, hein, si demain on apprend qu'on est viré, on comprendra pourquoi. Faudra pas se plaindre. Allez, on va tenter tout de suite d'appeler un Maurice en direct dans cette émission pour lui souhaiter bonne fête et tenter qu'il nous devine. Allez, c'est parti, on compose le numéro. Du côté de Charleroi, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Allez. J'espère qu'il va répondre. Ben, j'espère aussi. Au pire, je fais un petit numéro de secours. Allô? Allô? Oui? Bonjour. Alors, bonne fête, Maurice. Allô? Allô? Tu m'entends? Oui. Tu m'entends? Qui est à l'appareil? Ah ben devine qui c'est, qui t'appelle pour te souhaiter une bonne fête, Maurice. Bonne fête, Maurice? Pourquoi? Maurice a son anniversaire? Ben non, c'est la fête, c'est la Saint-Maurice. Ah! Et c'est qui à l'appareil? Ah ben devine! Je ne sais pas moi. Allez, qui c'est? Monique? Qui... Mais oui, c'est Monique! Ça va? Ça va, oui. Ah, depuis le temps qu'on s'est plus vu. Quoi? Depuis le temps qu'on s'est plus vu. Oui. Ouais. J'ai un problème avec le téléphone, hein, ça passe pas bien. Hein. Quoi dit? Le téléphone ne passe pas bien, je sais pas ce qu'ils ont fait. Non, on entend très mal. Oui, je ne comprends pas, j'irai voir chez oui. les télégraphes. Tu es où, là? Ah, bah, là, je suis chez moi, là. Ah oui, mais où ça, chez toi? Ah ben là, dans mon salon. Ah, mais oui, mais c'est où ça? Madame, nous sommes en direct à la radio. Ah. On vous souhaite une bonne fête, tout simplement, c'est la Saint-Maurice. Ça va. Ben voilà, c'est pour nous, c'est cadeau. Oui. Allez, on vous souhaite une belle soirée, madame. Oui, merci, au revoir. Hein. Voilà, je m'appelle Monique maintenant. Ah non, j'aime bien. Oh. C'est plutôt pas mal. Hein. Attends, écoutez, avec Monique, mais oui, j'ai discuté et tout. C'était sympa. Parce que je dois dire que la voix que je fais, elle est unisexe. C'est vrai. Voilà. Comme les polos qu'on va bientôt recevoir avec marqué Jadoul dessus. T'en veux un, toi? Tu vas vraiment faire ça? Non, ils vont arriver. J'ai commande demain. Trop stylé. Si, on en a fait le graphisme et tout, ils vont arriver. Oh, bah je t'en prends un fois 1000. Tous les jours, il met un polo. Ouais. Non, ils sont gris foncé. Ouais. Gris comme quand il y a de la neige à la télé, mais en plus foncé. Ah ouais, je vois. Et avec marqué Jadoul dessus, comme sur les autocollants, là, qu'on vous envoie si vous passez à l'antenne. Ils doivent être bien beaux, non? Ils sont sympas. Ils sont stylés. Donc, je vais peut-être mettre une photo sur les réseaux sociaux pour que les gens voient un petit peu chez eux à quoi ça va ressembler. Mais tu vois le sweat que je porte en ce moment? Ouais. Bah, c'est ça, mais avec marqué Jadoul. Ah ouais, c'est stylé. Et c'est bien. Dans une couleur un peu plus gris, avec un peu de grain comme ça. Ça marche. Bah, ça va être sympa, ça. Ça va être sympa. Oh, j'en porterai tous les jours. Le mec corporate. Non, mais c'est nickel. Bah voilà, j'espère que Maurice a apprécié. Ouais, qu'on lui souhaite une bonne fête. C'était une fille, hein, on est d'accord. Oui, je pense. Oui, c'était une fille. Moi aussi. Voilà, comme ça c'est fait. Écoutez, si vous avez des numéros à nous balancer, bah, n'hésitez pas, on est là. Et Emilien peut recevoir vos messages sur la page Facebook de l'émission. Bon, on a encore quoi à faire dans la suite? La cassette. La cassette, bien sûr. Et le grand zap de Jadoul. D'ici quelques instants, oui, évidemment, on tisse ça jusqu'à la fin de l'émission. Comme ça, on vous tient en haleine jusqu'à la fin. Vous voulez peut-être écouter une dernière fois la cassette? Moi je veux bien l'écouter pour essayer de trouver. Ouais. Tu veux, ouais. Allez, c'est parti. On va se la refaire avant de partir en musique. Comme ça, on va encore un petit peu faire mariner les auditeurs. De toute façon, c'est pas compliqué. Vous ne pouvez pas la chasamer ou la faire détecter avec Siri ou peu importe. Étant donné que c'est déformé. Ouais, c'est modifié. Donc, c'est malin. Ouais, je connais des gens dans le studio, ils ont déjà essayé. C'était là avec le téléphone dans le casque en mode allez, vas-y, devine. Allez, chasam. Ouais, c'est ça. Mais ça n'a jamais fonctionné. Bah, bon, bah, écoutez, on va se la réécouter. Tu veux bien? Ouais, vas-y. Allez, c'est parti. On la rembobine. Enfin, on va essayer du moins. Qu'est-ce qui se passe? Je pense avoir eu une illumination dans ma tête. Ah oui, j'ai vu un éclair qui vient de passer. D'accord. En fait, je cherchais la chanteuse et là, je pense que. Ouais, ça se trouve, j'ai totalement faux. Hein, mais... Bah, c'est pas grave. On remet au début la cassette. Top! Je vais toujours au devant. Il me tarde de trouver la violence facile. C'est qui qui a arrêté la cassette? Bon, on se le demande. Alors, t'as une idée? Je te dis la première lettre. Oui. M. Vas-y, dis. Mylène Farmer? Non, mauvaise réponse. Oh, mais c'est vrai, on aurait dû faire une cassette avec Mylène Farmer. Ah, j'y ai cru. Ah, j'y ai pas pensé. Mais merci en tout cas pour l'idée. Ah, mais de rien, c'est vous cadeau. Vous avez la réponse de la semaine prochaine. Non, je ris. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez la réponse chez vous. Car moi, je ne l'ai pas, je l'ai même pas sur mon écran pour vous dire. Plus, alors. Donc, nous, ça se trouve, personne n'aura la réponse. On va rentrer chez nous sans savoir. Ah, ça va être frustrant. Non, je rigole, on vous laissera pas comme ça. On n'est pas comme ça. Oh, non, on n'est pas comme ça. Non. On est des gens. On est peut-être des saligots, mais on est gentils. Des saligots gentils. Voilà, c'est ça. Allez, c'est un bon combo en tout cas, ça. Je pense que c'est un mélange de pas mal de choses assez sympas, non? Ouais, c'est vrai. Bah oui, cette émission est un mélange. On met des ingrédients, on prend des gens qui n'ont rien à voir avec la radio, des boulangers, des pâtissiers, et on en fait des animateurs radio. C'est parfait. On sait pas comment on fait, mais on le fait. Nous sommes en direct. Belle soirée à vous. Encore 30 minutes ensemble. Et encore un hit, tout de suite sur Ilar FM, nous sommes en direct. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous contacter plus 32 49 9 15 75 en direct. Allez, c'est parti, un hit que vous pouvez écouter du 19h à 20h sur Ilar FM tous les jours. C'est tout de suite. Alors, je sais pas si tu connais, c'est Gashi. Gashi, voilà, j'ai l'impression que je connais aucune chanson. Je me sens c'est vieux. C'est dingue. Je me sens vieux. Creep on me, tout de suite. Bonne soirée à vous, j'espère que vous êtes bien installés chez vous, nous sommes en direct. Et comme d'habitude, on est là avec des séquences folles et notamment le retour, cette fois-ci de manière correcte, du What the fuck du jour. Alors, on n'y était pas arrivé tout à l'heure parce qu'on a bugué. On a dû déchiffrer durant 20 minutes l'écriture. Mais là, c'est bon, on y l'a. Est, je pense. On l'a, ça va très bien se passer. Alors, c'est parti, on va déjà mettre un jingle de l'émission. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est cadeau, c'est rien que pour nous, c'est rien que pour vous, c'est parti. Jadoul. Et vous venez d'entendre que je peux animer cette émission comme dans un souper saucisse et choucroute. donc voilà. Bon, dans quelques instants, on va faire le bingo de Jackie. Non, je déconne. Allez, en tout cas, on va faire maintenant l'actu What the fuck du jour. Donc c'est tout simplement pour le mercredi 26 septembre, une chanson a été composée pour rappeler qu'en dehors de la protection contre les MST, il y a aussi le consentement. Et ils ont créé une chanson pour rappeler que voilà, en dehors de se protéger, il faut aussi penser à si on est d'accord ou pas. C'est bien ça. De faire un rapport avec la personne. Ils ont bien fait. Oui. Ah oui. Oui, c'est bien. Il faut y penser. Il faut y penser. Mais il faut aussi savoir le faire. Ouais. Je vous propose d'écouter la chanson qu'ils ont faite. Je vais pas vous influencer dès le départ. Je vous propose d'écouter. C'est oui. C'est non. Et quand on ne sait pas, on garde blague. C'est pas une blague. C'est toi qui as fait ça. C'est pas moi, attends, c'est pas ma voix. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Mais alors c'est con comme ton, c'est con comme tout, mais je veux dire, ça reste en tête. Je vais pas dormir cette nuit, j'aurai ça en tête. C'est dingue. Alors au moins c'est un son qui fait saigner les oreilles, mais on l'a en tête. Ouais. Je peux te le dire. Je pense qu'on se le refera. Hein. Ouais, je pense les que paroles une blague sont dingues. Non, mais les paroles sont dingues. La photo de maison. C'est quoi ça? Oh là. Et en ce moment, la courbe d'audience, elle vient de chuter. Ouais, c'est ça. Oh là là, c'est dingue. Bon, je vais pas vous dire que c'est disponible sur iTunes parce que ça m'a même pas été accepté. Non, mais... ça m'étonnerait. En tout cas, bon, c'est pour la bonne cause. N'oubliez pas de dire un oui. Donc intelligiblement. On pardonne. Mais ça dit, c'est tellement con que ça nous reste en tête. Ouais, c'est vrai. Hein. Mais alors, je vais vous dire. Il y a pire que la chanson, il y a le clip. Alors je vous invite à aller voir sur YouTube. J'ai peur. C'est la chanson du consentement. Voilà, c'est du Vincent Lagaffe, des années 80, mais en 2018. Oui, donc des fonds verts, des délires comme ça. Ouais, non, c'est sympa. Je sens le massacre. Ou non, c'est plus un massacre, c'est un désastre. Là on touche le fond. Donc voilà, c'était un petit peu l'actu what the fuck du jour. Moi, elle m'a plu, moi. Je la trouvais sympa. Ouais, c'est très sympa. C'est elle était très sympa. Un cachet contre la jaldoulite, s'il vous plaît, pour monsieur. Non, mais c'était sympa. Une dernière fois. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Et quand on ne sait pas, on garde ses doigts pour soi. On n'a plus d'auditeurs. Ouais, on la connaît par cœur. C'est dingue. Allez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à réseaux sociaux ou le numéro de téléphone de la radio, plus 32 49 9 15 75. Bon, à force de le dire, on va être malade. Bon. Allez, ça c'est fait. On va peut-être appeler la dernière Maurice. Ouais, on fait Allez, ça. Ouais, on est en forme, c'est pour parti. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, les Maurice, je dois vous dire, je sais pas pourquoi, mais je les sens pas. Non? Autant les Gilbert, ouais, je les sens. Mais les Maurice, je sais pas, je ne le sens pas. Je pense qu'ils vont pas de répondre. Non. Enfin, je sens plutôt de l'agressivité envers les personnes. Bah, le premier était très sympa. Très sympa, mais froid. Ouais, bizarre. J'ai compris qu'à un moment, elle avait un doute. Donc du coup, je me suis dit. Ouais. Mais ouais, elle demandait t'es où? Tu disais dans ton salon, puis après elle disait oui, mais où? Elle a pas compris. Elle a grillé, je pense. Ouais, c'est pas grave. On en compose un autre à nouveau. Ouais. Allez, c'est parti. Tu peux lancer au standard. C'est parti. On appelle du côté de Liège. Ah, parfait. Ouais. Un Gilbert, hein, toujours. Non, Maurice. Ah, Maurice. Bah oui, Maurice. Parce que t'as parlé de Gilbert juste avant. Oui, c'est juste moi qui sais pas aligner 4 minutes, t'inquiète pas. Allez, c'est parti. On croit en toi, Maurice. Allez, réponds, Maurice. Vas-y, Maurice. Je le sens pas. Il dort à cette heure-ci. Ouais. Il est quelle heure? Ouais, 40. 21h36. Bon bah écoute, on va se faire le suivant. Ouais. C'est pas grave. Là c'est du côté d'où le suivant, tu sais pas? Une nette. Je sais pas du tout où c'est. D'accord, bah c'est pas grave. On aura la surprise. Voilà, c'est ça, c'est la surprise du jour. Allez. D'accord, merci pour ce numéro. Bah, c'est pas grave, je veux bien essayer de le recomposer, mais. Bah non, c'est bien. Mais je pense que tu t'es trompé d'une lettre ou d'un chiffre. Faut croire. C'est pas grave, je vais t'en retrouver un si tu veux. Non, c'est peut-être moi. Hein, c'est peut-être moi. C'est moi. C'était bien toi. C'est pas grave, on s'en refera dans quelques instants des Maurice. Je vais t'en noter, attends. Oui, mais y a pas de souci, on verra ça juste après la musique. Ouais. Et puis, bah, de toute façon, là maintenant, dans moins de 10 minutes, ça va être le zap de Jadoul. Là, c'est une grosse séquence. Hein, personne n'a trouvé la cassette encore, tiens. La cassette? Non, pas encore. Elle était dure. Elle est dure. Elle est très dure, très dure. C'est sûr que trouver du. Ah merde, j'allais le dire. Ouf. Oh là là, oh, je me suis retenu de justesse. Ouais, on a senti. On est passé à ça d'un drame. Ta respiration s'est bloquée. Ouais, c'est ça. Bon, les news de la semaine, on les a toutes faites. On les a toutes faites, ouais, déjà. Ouais, t'en as plus aucune, toi? Si, je peux t'en chercher. Une dernière. Allez, ok. Allez, ta carrière se joue là-dessus. Ok. Ouf. Donc ton avenir radiophonique aussi. Donc, si elle est mauvaise, tu sais que la semaine prochaine, le siège sera vide. Je vais trouver. Enfin, de toute façon, d'office, il est vide. Demain, tu es en congé. Enfin, la semaine prochaine, je ne serai pas là, je suis désolé. C'est pas grave. J'espère que les gens s'en remettent. Manqué. Ça fera un vide. Allez, je t'écoute. Donc en Australie, l'État offre 100 000 personnes. S'il vous plaît, un bus. Non. Offre un stade de gens. 100 000 euros. Ouais. À une personne et essaye de deviner. Il donne 100 000 euros si la personne fait quoi ou trouve quoi. Si il retrouve quelqu'un. Ouais. Non, non. Bim. Pas que, non. On va dire ce que quelqu'un a fait plutôt. Ah, pardon. Nuance. Ouais, désolé. Ce que quelqu'un a fait. Ouais. Un braquage, un vol. Tu trouveras jamais. Non. Je trouverai jamais. Non, bon bah alors vas-y, balance. C'est pas grave. C'est un homme, donc un psychopathe, je pense, qui mettait des aiguilles dans les fraises et qui donc les vendait et donc pour tuer les gens quand ils les mangeaient. Et donc là, l'État s'en est rendu compte et offre 100 000 euros à la personne qui trouve qui fait ça. C'était en Australie. Donc le mec met juste des aiguilles dans les fraises. Ouais, dans mais les ça fraises. Sert à quoi? Ben genre quand les gens ils mangent, genre ils mordent et puis ils avalent et puis les aiguilles. Oh, ouais, oh ouais. Quelle horreur! Ouais, ouais, oh, ouais, ouais, je sais. Ah, tu m'as demandé une news. Ça. Tu m'as demandé une news. Oh là là. Je suis désolé. Oh là là. Mais le mec est taré. Ouais, c'est vraiment un fou. Ah, il est pas bien. Oh là là. Non, ah oui, vraiment. Quand même. Niveau psychopathe, on a vu pire. Ouais, hein, c'est quand à même. Queensland en Australie. Et ils l'ont retrouvé? Non. C'est mal, patron, là. Ça va, là, on est loin de l'Australie, on est bien. Ouais, j'imagine les gars, quand même. Ouais. On cherche actuellement la personne d'aiguille dans les fraises. Niveau crédibilité, ouais, on a zéro, vu mieux. Zéro. Non, mais c'est pas mal, c'est pas... Il en faut. Ouais, c'est sûr que... Ouais. Ouais, des psychopathes comme ça, c'est... Ouais, des psychopathes, ça fait peur. Hein. C'est sûr. Ouais, c'est, ouais, ouais, c'est space, hein, quand c'est... même. Ouais, ça fait bizarre. Hein. Ouais, mais quoique, c'est vrai que sur le papier, elle a pas l'air top, la news, mais il fallait y penser, ouais, il quand même. Penser, hein. C'est dingue. Non, mais... Oui, enfin, à quel moment tu te lèves un matin et tu te dis ouais, je vais planter des aiguilles dans des fraises. En plus, c'est malin parce que tu sais, il va le donner à des gens qui vont le revendre quelque part et tout. C'est ça. Ouais, c'est fou. Hein. Non, mais il y a des gens un peu tarés partout. Tiens, j'ai une banane dans l'oreille. Ah oui, Jamy, je comprends pas. Ce son est vraiment venu de la lune. Je sais pas comment ça peut atterrir dans ce studio, ces sons-là. Mais c'est pour ça que j'aime bien cette émission. Écoutez, on n'a pas le droit de se marrer. On n'a pas bien le droit. Sûr que si, on a le droit. On est là pour ça, moi, je on vous le dis. On est là pour ça, mais bien sûr. Ah là là. Messieurs, dames, en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on est sur une dernière ligne droite pour cette émission-là. Allez, les 2 heures de Jadoul ne sont pas finies encore. Nous avons encore le zap de Jadoul, les numéros de Maurice, plein de belles choses avec notre beau Emilien. Nous sommes en direct jusqu'à 22h. Ne nous lâchez pas, on vous lâche pas, nous. Merci de nous rejoindre, j'espère que ça va bien de votre côté. Nous sommes avec Emilia qui vient de recevoir un message. Ouais, je balance tout l'antenne. Ah. Non mais le message que personne n'a envie de recevoir. Personne l'aime bien. C'est le message qui dit est-ce qu'on peut avoir un suspense, quelque chose? Vas-y, un truc si. Jadoul, point d'interrogation. C'est le message qui fait flipper tout le monde. C'est pas bien. À voir et un point d'interrogation à côté. Sans rien, c'est froid, c'est horrible. C'est horrible. Ouais. Mais alors, ce qu'on se demande toujours, c'est soit derrière, il y a un message pourri, ouais. Genre t'as pensé à passer chez le fleuriste. Ouais, c'est vraiment ça. Ou c'est l'opposé, quoi. Est-ce que c'est toi qui as brûlé la voiture de mes parents? Ouais, vraiment. C'est toujours des t'as trucs toujours de dingue. Stress. Mais généralement, il y a toujours une explication logique, ouais, à toujours, tout ça. Toujours. Mais parfois pas. Voilà. Et toi, tu viens de recevoir un message comme ça? Ouais, à l'instant. Est-ce que tu sais déjà de quoi ça parle? Ben, je n'ai pas compris, genre. On comprend jamais. Ouais, non. Mais la fille est louche. Ouais, j'ai répondu pas compris avec un petit cœur et puis ça passe. Avec un petit cœur. Ouais. Ça passe mieux. Il y a des chroniqueurs parfois qui me font ça. Je viens pas aujourd'hui. Petit cœur. Ça passe mieux. Oui, en gros, ça m'empêcherait pas de les buter. Mais en tout cas, ça attendrit, je dois dire. Oui, c'est vrai, ouais, que ça attendrit. Comme ça, voilà, on peut être un peu plus tendre. Oui, j'ai un cœur. C'est vrai. Voilà. Allez, bon, qu'est-ce qu'on doit se faire? Réécouter la cassette de Jadoul, appeler un nouveau Maurice. Ok, bah écoute, on va composer un Maurice tout de suite. Ouais. Et sur ce temps-là, on écoute la cassette. Ça te va? Ça me va. Comme ça, on fait tout d'un coup. Ça marche. Et ça se trouve, tout va se faire en même temps. Beau. Personne va rien comprendre. Ça se trouve, je vais bafouiller en même temps que Emilien va faire un truc. Enfin, je sais pas, non, il y aura peut-être un délire. Un bordel. Voilà, on va essayer. À vous. Je vais toujours au devant. Il me tarde de trouver la violence facile. Ça sonne du côté des Maurice et vous jouez avec nous pour la cassette de Jadoul, +32 49 9 15 75. On appelle du côté de... De Charleroi. D'accord. Ouais. Allez, c'est parti, je sais pas ce que ça va donner. J'aime bien les gens de Charleroi, ils sont généralement sympas. Sympas par leur accent. ce sont des gentilles personnes. Oui. On n'a rien contre vous, hein, les Charleroi. On vous aime tous. Les Charleroitais. Les Carolos, les Carolos. Allez. Normalement, en principe, ils ne dorment pas, Charleroi, à cette heure-ci. 21h46, vous êtes sur LRFM, nous sommes en direct. Oh, en plus, tu téléphones même pas en Wallonie. C'était marqué Charles. Je suis sûr que c'est marqué Charleroi. Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils nous disent. T'as des autres numéros à nous préparer au standard? Ouais, bah, je te l'ai dit maintenant et tu notes? Ah oui, bien sûr, à l'antenne, comme ça les gens ils peuvent composer le numéro chez eux. Ah non, ça j'y ai pas pensé. Non, j'y ai pas pensé. Pas de soucis. Non, mais on fait l'émission entre nous, hein, y a pas de soucis. Attends, je vais noter alors, ok? Non, mais écoute, si vous avez des petits bugs dans la vie, n'oubliez pas que tant que vous êtes heureux, y a pas de soucis, vous faites ce que vous voulez. Le principal, c'est d'être heureux, bien sûr. Voilà, c'est ça. Comme disait Pierre Vassilou. Je me gare n'importe où, je vous jure que je suis heureux. Mais ça emmerde les gens quand on vit pas comme eux. Et c'est bien vrai. Oui, c'est vrai ça. Quand on est heureux, parfois ça fait chier le monde. Ouais. Ils se demandent pourquoi. Voilà, c'est ça. Non, mais pas ils se demandent pourquoi. C'est de la jalousie, ouais, tout exact. Simplement. Mais oui, mais ça arrive. Hein. Écoutez, on peut pas être parfait non plus. Hein. C'est vrai. On peut pas être bien dans sa peau et en même temps ne pas rendre jaloux les gens. Je te note un petit numéro, ok? Oui, fais-toi plaisir. Y a pas de souci. Allez, qu'est-ce que je devais vous dire encore? Oui, le zap de Jadoul, il est 47. Qu'est-ce que je fais? Après la musique, oui, on va encore vous faire un peu patienter. Hein, sinon, c'est pas marrant. Est-ce que tu sais m'avoir le numéro rapidement là? Maintenant, mais je peux te le donner maintenant, il est prêt. Bah donne-le, vas-y. Il t'attend. Allez, arrache-moi la page, fais ce que tu veux, mais okay. Lance-moi qu'on puisse lancer la ligne ça directement. Voilà. Non, il y a le numéro. Ouais, il a arraché la page en mode bon, c'est à la fin de ma vie là. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Ouais, non, c'est bon, il l'a. Bon, t'évites de m'appeler évidemment les urgences, hein, le 112. Non, t'inquiète. J'espère qu'il va répondre. Bah, tu sais quoi, je t'en prie encore un. Non. Ah, Maurice. Le numéro, d'accord. Tiens, revoilà la feuille. Ouais, parce que le standard est à côté de moi, donc du coup, fatalement, c'est moi qui dois composer. Allez, c'est pas grave. On a des interférences, nous sommes en direct. Je prends un Maurice de secours. Oui, c'est parti. On va appeler un Maurice pour lui souhaiter bonne fête. Je rappelle que c'est la Saint-Maurice, souhaitée dans votre entourage si c'est le cas. Allez Maurice. Ça sent mauvais. On n'a pas beaucoup de temps pour les appels en plus aujourd'hui, donc il faudra qu'on ait des numéros qui décrochent rapidement. Voilà, il faudra les tester quand même la prochaine fois les numéros avant. Allez, le suivant, c'est pas grave, ouais, on les enchaîne comme ça, on se les fait. Allez, c'est... Hop, je l'encode dans le standard, nous sommes en direct. Alors j'espère que vous avez déjà pensé à souhaiter bonne fête, parce que c'est une tradition qui se perd un peu, j'avoue. Ouais, c'est vrai. Je sais même pas c'est quand, là, Saint-Emilien. Voilà. je sais pas, je peux pas te dire. Allez, on en appelle un autre. Je parle dans le micro, hein, on en appelle un autre. Par contre, je ne pense pas qu'il y ait de Saint-Jadoul. Non, c'est unique. Hein. C'est unique. Allô, bonjour. Oui. Alors, bonne fête, Maurice. C'est de la part de qui? Ah ben, devine. On s'est vu la semaine passée. Je sais pas. C'est pas du tout. Non. Oh, ça me fait mal au cœur. Non, je le vois pas. Non, bah en tout cas, ça te fait plaisir que je t'appelle pour te souhaiter une bonne fête. Et c'est la fête de qui? Ben, c'est la Saint-Maurice. Non. Oui, c'est aujourd'hui, hein, le 22 septembre, alors j'ai pensé à toi, je me suis dit, je vais t'appeler. Mais c'est mon mari, Maurice, c'est pas moi. Oui, mais comme ça tu lui transmets, vu que c'est toi qui as décroché. Oui, mais c'est de la part de qui? C'est de la part de la radio, madame, nous sommes en direct. J'espère que vous passez une belle soirée. Voilà, on tenait juste à vous souhaiter une bonne fête. Ouais. Merci. Il y a votre mari. Voilà, bah comme ça c'est fait. Et toute l'équipe de la radio vous souhaite une bonne fête. Voilà. Bonne fête. Merci. Est-ce qu'on est les seuls à y avoir pensé aujourd'hui? Oui. Ah bah voilà. Quand je disais que c'était une tradition qui se perdait, ouais, c'est vrai. J'avais raison. Bah on vous souhaite une belle soirée, madame. Oui, merci, au revoir. Au revoir, voilà, comme ça c'est fait. Bon, au moins elle a décroché. L'intention est là. C'était froid, hein. Ouais, bah, toujours. C'était froid. Autant tout à l'heure je m'appelais comment, la Claudia, Claudette. Monique. Monique, voilà. C'est joli, Monique, non? C'est mignon. C'est mignon. Bon, si ta petite copine s'appelle Monique, pose-toi des questions sur son âge. Hein. Ouais. Non, mais tout va bien, merci d'être là, vous êtes dans Jadoul. Et puis voilà, on a pas fini. Pas dans Jadoul. Oui, pardon. Oh là là, oh là là. Je vais me prendre un coup de pelle dans la gueule. Ah, bon, la prochaine fois. Je t'en prie, tu peux me mettre un coup de pelle. Tu peux le ça faire. Ça va, je vais la chercher. Hop, ouais, vas-y, s'il te plaît. J'y vais. Ah, ah, ça fait mal. Ah, voilà. Putain. Tu ne feras plus l'erreur. Oui, ouais. En tout cas. Merci. Voilà. Merci, c'est gentil. Bon, évite la prochaine fois. Je tiens pas désolé à avoir des séquelles. J'étais un peu fort. Oui, oui, il a de la force, hein, l'air de rien. Hein. On dirait pas comme ça, mais il a de la force. Bah, merci à tous les Maurice qui ont participé à ce jeu. I'm gonna ride. Et juste après ça, on va se faire le zap de Jadoul. Voilà, la dernière séquence de cette émission. On a gardé le meilleur pour la fin. Allez, tout se passe bien. Nous sommes voilà, tous les voyants sont verts pour passer une belle fin d'émission. Ouais, donc j'espère que vous avez passé un bon moment à notre écoute. Vous pouvez nous réécouter sur les plateformes de podcast et sur iTunes. Ouais. Ça, il y a aucun souci. J'espère que tu as passé une belle soirée jusqu'ici. Vraiment bien. On va encore c'est se marrer. Amusé. Le zap, je te le dis, il va être très drôle. On l'a préparé avec les équipes, ça va être marrant. Je suis impatient. Ah, moi aussi, je le sens bien. C'est une belle soirée. Merci d'être là. On vous aime. Vraiment. Et pas au sens pervers. Hein. Ouais, ça fait vrai que de l'amour. J'ai dit on vous aime. Ouais. En mode. Avec une voix un peu. Dans quelques instants, ça va faire. Jadoul a commencé à dire des choses un petit peu spéciales à ses auditeurs. Il est actuellement en garde à vue pour. Pédophilie. On sait pas quoi. Pédophilie, je sais pas. C'est là que comme la femme qui a écrit le bouquin sur comment tuer son mari se fait emprisonner, moi je vais me faire emprisonner après pour pédophilie. Bon bah écoute, on est mal barre alors. Ouais, c'est vrai. Ça se passe plutôt mal si c'est ça. Bon, avec ça, j'avais pas le genre de lancer le titre moi. De quoi ? J'avais pas lancé le titre moi. Non. Ah bah si, je l'avais lancé, si. Mais il est parti. Ah oui, d'accord. Oh, triste. C'est pas grave, le revoilà. Ah, belle soirée à vous. 21h53. Allez, encore quelques instants ensemble. Toujours chez Jadoul, il va être bientôt 22h, donc il est l'heure de se faire la toute nouvelle séquence qu'on attend tous. Emilien, c'est parti. Qu'est-ce que c'est ? C'est le zap de Jadoul de la semaine. Non, c'est moi. Oui, le snap de Jadoul. Le snap. Oui, le voilà. Snap. Le zap. Vous pouvez également me suivre sur Snap, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti, on se le fait maintenant en direct. C'est le zap. C'est le zap de Jadoul. Et aujourd'hui, dans ce zap de Jadoul, on va se faire tout ce qu'il y a eu de complètement dingue en radio ou en télé. Mais d'abord, priorité au direct, on doit se faire la cassette de Jadoul, je suis désolé. Ouais. On doit. Voilà, je reviendrai sur la séquence. Alors pour l'instant. Si, justement. Ah, si. Quelqu'un l'a trouvé, donc on va se la réécouter une dernière fois et tout de suite dire la réponse aux auditeurs. Ouais. Ça te va ? Ça me va. Bah alors ça me va à partir du moment où j'ai le temps de prendre la cassette parce que la cassette c'est cool mais comme c'est on doit la chercher bah du coup elle est pas près de toi la cassette. Attends je cherche. Peut-être sous la table. Ah je l'ai. Ah. Elle est là. Ah ouais c'est bon. C'est bon. Vas-y. Je la mets dans le lecteur ça et marche. Je la rembobine. Alors, la cassette, qu'est-ce que ça peut bien être ? Franchement, je trouve pas, ça me rend fou. Je peux pas m'absenter une minute ici. Ça me rend fou, je trouve pas. Non, tu trouves pas ? Non. Eh ben, la réponse a été trouvée au standard par Josh, qui nous dit Christine and the Queens. C'est la bonne réponse, c'est la marcheuse. Ah oui. Son tout nouveau son, hein, tout simplement, et son nouveau nom de scène, c'est Chris, tout simplement. Sérieux ? Avec, ouais, un look un peu masculin, comme ça. Je savais pas. Voilà, on s'écoutera cette chanson-là juste après l'émission. Ok. Comme ça, voilà, on écoutera la version non déformée de ce tube, de ce hit qui vient de sortir. Je me disais bien que la voix, j'avais déjà entendu. Ça. Ouais, hein. Ah ouais, c'est dingue, hein. Bon, allez, ce qu'on va se faire maintenant, c'est le zap de Jadoul. C'est parti. C'est le zap. C'est le zap de Jadoul. Et dans ce zap, on va se faire tout ce qu'il y a eu de plus insolite à la télévision et en radio ces derniers jours, là, cette semaine, ce qui vient de s'écouler. Et on a eu Bourdin, qui était un petit peu jaloux de Benalla. Je vous propose d'écouter, il n'était pas content que son émission soit pas diffusée sur RMC. 8h31 sur RMC. Il n'y a pas de BFM TV ce matin parce qu'il y a audition Benalla. Donc vous comprenez bien qu'il peut se passer un tremblement de terre à l'autre bout avec 3000 morts. On est sur l'audition Benalla. Benalla. T'es jaloux ou quoi? Calme-toi. Benalla, ok, il est là, il est sympa. Mais bon, ouais. Ça arrive, c'est l'actualité. Faut pas c'est être jaloux. Mais bon, au moins il l'a dit clairement. Ouais. Tout comme sur cette chaîne où ils sont aussi très très clairs, je vous propose d'écouter. J'ai l'impression que c'est le désenchantement d'une majorité qui doute, qui est fragile et qui est émotive. Mais c'est pas parce que vous avez envie de me faire dire qu'on doute que je vais vous dire qu'on doute. Moi, je sais que mais depuis... pas parce que vous me dites que vous ne doutez pas que je vais croire que vous ne doutez pas. Bah, c'est à moi d'essayer de vous convaincre. Vous m'avez pas convaincu. Alors, tableau blanc, oui, oui, oui. Feuille A4. Oh là c'est là. Parti, on y va, on décrypte. J'ai pas compris. Bon. J'ai mal à la tête. Oui, voilà, on va peut-être remettre ça dans l'ordre dans les prochains jours. Des spécialistes du CNRS sont là. Vous inquiétez pas, ça va aller. Bon. Ça avait l'air sérieux en tout cas comme conversation, tout comme au magazine de la santé, le vrai magazine d'information de France 5. Mon copain a un petit pénis, que faire pour l'aider à s'accepter devant Sonia? Tirer dessus pour l'allonger. Bravo, ça c'est du super beau. Idée. Belle idée, essayez chez vous. Non, je déconne. Il y aura beaucoup d'appels au 112 après. Non. Bon, il y a des doubles sens, enfin non, là c'était clair, mais on l'a bien compris. Le trésor de Jean-Pierre Pernaut, ils aiment bien les doubles sens. Faut pas taper sur la noix, faut taper sur la brindille. Dans la famille Castagnier, nuciculteur depuis 6 générations, voici le doyen, André, 89 ans, et toujours la gaule en main. Celle-ci est en châtaignier. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est très flexible. Non mais tout se il passe parle bien. De quoi là? Il parle d'un châtaignier. Oh la vache. Il faut le savoir. C'est vrai que si on retirait l'image, bon. Bah bien sûr, moi je pensais au châtaignier direct. Bah direct, t'entendais les feuilles là. Bien sûr, dedans. Tout à fait, comme ce médecin qui nous parle du stress. Écoutez, c'est très sérieux. Hein. Prends des notes chez toi, ouais. C'est important. C'est pas le stress, sinon on aurait tous des cancers. C'est quand on n'arrive plus, en anglais, cope. On n'arrive plus à gérer son stress. Ça se passe comment le stress sur l'équipe? 1-0 pour Liverpool, je me dis. Effectivement, dans les paroles, c'est dans les bijoux de famille. Non mais on se calme. Non mais détendez-vous. Oh là là. Docteur, c'est normal tout ce stress, ça, on peut le guérir? C'est pour ça que toutes les techniques qui permettent de se relaxer, de méditer, d'essayer de contrôler son niveau de stress, de mieux gérer son stress, et puis toutes les techniques qui permettent de partager ses émotions tristes et tout ça, oui, sont extrêmement importantes. Tout à fait. Bien sûr, mais bien sûr. Ils l'ont appliqué sur l'équipe. Ah, ben oui. Est-ce qu'on peut juste réécouter ce que ça donne à l'équipe? Effectivement, dans les paroles, c'est dans les bijoux de famille. Ah oui, on est dans la grosse détente, là. Là, ça se passe très bien. Ils sont détendus. C'est, ouais. Chill. Ouah, c'est dingue. Un exemple à suivre, j'ai envie de dire, pour toute une génération. C'est dingue. En tout cas, voilà, c'était le premier zap de Jadoul. J'espère que ça vous a... Moi, j'ai bien aimé, en tout cas. Ah ouais, j'aime bien. Ouais, c'est dynamique, c'est court, ça mange pas de pain. Bah voilà, il est déjà l'heure de se quitter. Oh, c'est dingue. Passe trop vite. C'est passé à une vitesse aujourd'hui, je ne l'ai pas vu passer. Non plus, c'est dingue. C'est impressionnant. Ça, non mais t'as fait quelque chose ou ça se passe pas, comment? Non mais je veux dire, t'as bouffé 10 minutes ou... Ah non, il est vraiment 22h02. Oui, on est en retard, donc voilà. On est même en retard. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-nous, hein, franchement, un retour sur cette chronique, c'est super intéressant pour moi. Donc comme ça, on peut construire ça ensemble. Ouais, et comme ça va bien se passer pour la suite. Est-ce que tu connais par cœur la devise de cette émission, l'hymne de cette émission? Moi? Oui. Amour, rigolade et fraternité. Pas du tout, c'est Indochine, la vie est belle. La vie est belle aussi belle. Attends, on le passe à chaque fin d'émission depuis un an. La semaine prochaine. Ah ben non, non, mais non. Non, mais non, la dans semaine deux prochaine, semaines, t'es pas je là. Donc dans deux semaines, voilà. Tu l'auras. Enfin. Ouais. Je te le promets. C'est une promesse. Ouais. Donc je vais le noter. Je vais le noter. Ok, bon, la bah. Prends ce risque. Ouais. Allez, Claire Chazal, attends deux secondes. Claire Chazal, sors de ton placard. Qu'est-ce que t'as à me dire encore? Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été fidèle. Oh, ça va, elle reste sympa. Ouais, c'est très sympa cette fille. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle soirée. Bah, c'était Jadoul en direct. Merci 20h, beaucoup. 20h-22h la semaine prochaine, on remet ça. Merci d'avoir été là. On vous souhaite une très belle semaine et un bon dimanche. Bisous. What's the sense in sharing this one?